Bonjour et bienvenue pour votre épisode pilote de La Guerre des Claps, votre nouveau rendez-vous, du moins nous l'espérons, consacré au cinéma et aux séries télé. Avec moi aujourd'hui, Alex. Salut. Nécro. Salut. Et Issam. Salut. On s'est dit que pour un premier numéro, parler de nanar, c'était plutôt intéressant. Ça faisait une bonne entrée en matière pour un premier épisode, mais on va déjà commencer par un petit tour de table des news avec Issam. Oui, alors j'ai sélectionné quelques news cinéma et séries télé. Alors qu'on va le voir, on va rester sur... Tandis que des alcoolos s'engueulent dans la rue. C'est du nanar. On est dans l'ambiance. Normal. Donc, quelques news. La première sur laquelle j'aimerais bien revenir, qui a pas mal fait parler le milieu geek il y a quelques semaines, c'est l'annonce du prochain Doctor Who, donc qui sera pour la première fois de l'histoire de la série une femme, Jodie Whittaker, je crois que ça se prononce comme ça, qui reprendra donc le rôle à partir du prochain épisode de Noël, qui sera le dernier du Docteur actuel, Peter Capaldi. Qui regarde Doctor Who déjà ici ? Alors je regarde, par contre j'ai une saison de retard, voilà, ouais. C'est clairement j'ai une saison de retard, donc je vais devoir me la regarder en one shot. Franchement ça me choque pas du tout, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement un autre venant de Gallifrey aussi, qui s'est retrouvé à être... qui était un homme, qui s'est retrouvé être une femme. Ouais. Le docteur lui-même avait suggéré que ça pouvait arriver qu'il se retrouve être une femme. Alors ce qui est super, c'est que lui n'a l'air de pas contrôler du tout, alors que les autres ont l'air de pouvoir contrôler un peu leur transformation. Donc ça, c'est... Alors le docteur l'a contrôlé une fois, c'est ce qu'on apprend dans l'épisode spécial 50 ans. Il y a une de ses régénérations qui l'a contrôlé. Ouais, mais il aimerait bien être roux. Oui, et voilà. C'est encore jamais arrivé, et Jodie Whittaker n'est pas rousse. Voilà, tout de suite. Si elle était une femme rousse... irlandaise, ça aurait été le combo gagnant. Voilà. Non, mais voilà, je trouve que c'est... Je comprends pas, en fait, la polémique que ça a suscité, parce que... Enfin, on savait que le docteur pouvait se transformer en n'importe quoi. C'est... Techniquement, il peut même se transformer en autre chose qu'un être humain. Alors, ça se fera jamais, je pense, niveau effets spéciaux et niveau empathie envers le personnage. Là, ça deviendrait compliqué. Mais en soi, c'est possible. Donc, pourquoi une femme, ça choque tout le monde tout à coup ? Bah pourquoi ? Parce qu'on vit à une époque où il y a de plus en plus de connards misogynes et que tous ces connards misogynes, ils prennent de plus en plus de temps pour s'exprimer. C'est la seule raison. Hein. Non, il n'y en a pas forcément de plus en plus, mais on les entend de plus en plus. On les entend plus, en tout cas, voilà. Puis je trouve ça triste de se dire, ouais, c'est une femme, et moi, en tant que mec, je pourrais pas avoir d'empathie pour elle, je pourrais pas alors que c'est bon, me mettre à sa place. T'as déjà eu un docteur mec pendant des années et des années, quoi. Bah, et puis c'est un peu triste de pas pouvoir faire ce petit effort. Enfin, à ce moment-là, si t'es un blanc de 30 ans qui vit en banlieue parisienne, t'es les personnages, il faut forcément qu'ils soient blancs de 30 ans en banlieue parisienne pour que tu puisses... Regarde le cinéma français. Mais bah ouais, voilà, c'est ceux qui regardent le cinéma français. Non, ils n'ont pas 30 ans. Christian Clavier a plus de 30 ans, ils sont tous parisiens. Les fans de Doctor Who, il y a quand même un truc spécifique chez eux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement de docteur, et le changement de docteur arrive assez fréquemment, ça gueule. Bon, sauf éventuellement pour le premier des reboots où ça n'a pas tellement gueulé parce que finalement c'était pas. Si, ça avait gueulé déjà. J'ai revérifié, ça avait gueulé. C'est juste que c'était moins populaire que ça l'est devenu après. D'accord, donc ça gueule à chaque fois. Et je veux dire, on est passé quand même. On a eu l'arrivée de David Tennant. Bon, donc ça a gueulé juste avant. Bah, David Tennant, les gens ont relativement adoré. Fin de David Tennant, ça a gueulé comme jamais. Alors que finalement, on a eu Matt Smith qui était excellent, que je trouve meilleur que Tennant. Derrière Capaldi, bon, il divise un peu plus. À côté de ça, ben là, franchement, je sais pas. Moi, je pense que ça, rien que le thriller qu'ils ont fait avec un petit côté Medfan, avec l'arrivée de la nouvelle doctoresse, la nouvelle doctoresse, hein, parce que ça va être marrant, ça, Doctor Who. ça a pas posé de problème en VO, mais c'est vrai que c'est les féministes qui vont gueuler. Ouais, elles disent Docteur et pas Doctoresse. Non, mais ta gueule. Mais c'est un titre, donc normalement ça doit rester le Doctor Who. Je pense que ça va rester. Oui, mais là ça reste peut-être un souci au niveau synchronisation labiale, ils pourront pas. Et du coup, ça risque de gueuler quand même, alors que des fois, non, on peut pas. On peut pas. Voilà, on peut pas changer les images de façon à ce que ça passe au niveau des lèvres. Donc, mais non, ça choque pas. Je tenais juste à revenir là-dessus. Moi, je suis même plutôt content parce que je pense que ça va ouvrir à un nombre de nouveaux thèmes assez intéressants. Je suis assez content aussi que le showrunner change. Alors moi, j'aimais beaucoup... j'oublie toujours son nom. T'appelles lui ? Non, le showrunner, c'est l'auteur principal. Ah oui, Moffat. Stephen Moffat, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que le changement apportera un vent de fraîcheur et donc aussi une nouveauté. pourrait être très cool. Je pense que ça peut faire comme au moment justement où on est passé de Russell T. Davies à Moffat. Oui. La série a pas mal évolué. Le changement dans le monde des séries télé peut toujours apporter du bon. C'est ça. Et puis Moffat, pour une grosse série comme ça. En plus, Moffat en avait marre. Hein. Moffat est commencé à avoir marre de Doctor Who. Donc, Et puis Moffat, c'est quand même un mec qui est sur 10 millions de projets en même temps. Voilà, c'est Doctor Who, il a eu Sherlock, voilà, il a plein de projets. Il sait plus où donner de la tête, le mec. Mais c'est vrai, il a réussi à donner le coup de baguette magique là où il fallait pour que la série brille de mille feux. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Tu dis qu'il a eu Sherlock, il a plu ? Bah, il l'a une fois tous les 4-5 ans. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup moins brutal que Doctor Who, quoi. Sherlock, oui, il va continuer. Mmh. Enfin, s'il y a une nouvelle saison, il va continuer. Voilà. Mais comme pour l'instant, c'est pas sûr. Il n'y a rien d'annoncé pour le moment. Ouais. Mettons autour de la table, du coup, il n'y avait que vous deux qui regardiez Doctor Who. Ouais. Moi, limite, ça me donne encore plus envie de m'y mettre. Faut que tu t'y mettes. Hein. C'est une série que j'ai toujours eu envie de regarder, que je ne regarde pas. Que tu t'y mettes. Ben oui, mais il y a quand même beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons à regarder. Limite. Bah, toi, la nouvelle. Enfin, bah justement, c'est voilà. Pas l'ancienne. Ça sera peut-être l'occasion de commencer avec ce nouveau Docteur. Parce que sachant, ce qui est génial, c'est qu'en fait, à Doctor Who, quand tu n'as pas jamais regardé un épisode, si tu as un nouveau Docteur qui se présente, ben, tu peux regarder la série telle quelle, parce que l'esprit même de la série change à chaque Docteur. Le comportement change, le physique change et tout ça. Du coup, c'est une nouvelle histoire. Et après, ben, ceux qui ont vu toute la série, ben, ils auront plus de clins d'œil, plus de background, plus de choses comme ça. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Surtout avec Capaldi. Capaldi, tu connaissais pas la série, c'était pas grave, quoi. Ça passait crème. Ouais. C'est... Et donc, encore une bonne raison de s'y mettre. Et toi, voilà. Est-ce que c'est une série qui te tente, Alex ? Ni oui ni non. Je pense qu'il faut avoir le temps pour s'y mettre. Donc peut-être plus tard. Le fait d'avoir une nouvelle saison, oui, ça peut être une occasion de s'y mettre. Ouais. Pendant que les poivrons continuent à s'insulter dehors, passons à une seconde news. Alors, seconde news, ben, on va rester dans le... Ce podcast sous les signes du nanar jusqu'au bout. C'est ça. On va rester dans la nouvelle personnage qui change de tête régulièrement, avec James Bond cette fois-ci. Et donc James Bond, c'est juste assez rapidement. Apparemment... Il semble confirmer que Daniel Craig reprenne le rôle au moins une fois, si ce n'est deux. Alors qu'il ne le voulait plus du tout. Et moi, j'ai envie de dire, je suis super content parce que c'est mon Bond préféré. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup Daniel Craig. J'aime beaucoup. En fait, le paradoxe qu'il a posé sur James Bond, c'est-à-dire à la fois le plus humain, celui qui a le plus de failles, et en même temps le plus froid dans son interprétation. Et je trouve ce paradoxe génial. Et en fait, le plus fidèle au James Bond des romans. Oui. J'ai jamais lu. Ah, mais complètement. Le plus fidèle des James Bond des romans, en fait, tout simplement. Alors que quand j'étais petit, ouais, c'était Roger Moore que j'aimais bien. Mais qui est le plus kitsch. Le plus kitsch. Alors moi, mais je pense que c'est celui qui nous marque le plus. C'est des c'est fois celui qu'on a c'est découvert celui qu'on a, quand... avec lequel on a découvert la licence. On dit ah celui-là. Et puis ça, c'est la référence. Pour beaucoup de monde, c'est ça. Ouais. Alors après, moi, celui avec lequel j'ai découvert la licence, c'est Brosnan. Et... Tu as découvert la licence sur le tard, alors. Pas tant que ça. Enfin, quand même. Au bout du cinquième James Bond. Ouais, mais je veux dire, c'était plus ou moins celui qui officiait à l'époque où j'ai commencé à les regarder. Mm. C'est fin des années 90, c'était lui. Donc, Ouais, puis au final, moi, c'est pareil. J'ai découvert avec Brosnan et c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Non. Donc, enfin, il a pas eu de chance avec ses films. Brosnan, c'est vrai. Non. Non. Ils sont majoritairement, à part Demain ne meurt jamais, voilà, mais ils sont majoritairement plutôt mauvais. Hein. Mm. Ouais. Même plutôt mauvais, en fait. Et ouais. Tomorrow Never Dies, qui était une erreur. Hein, le titre était une erreur. Qui n'a pas été corrigé. Et du coup, ça a laissé. Et du coup, ça a marché. Non, des fois, ça tient à rien, le succès. C'est un meilleur titre, en plus, je crois, oui. De Bond. Il y avait une grosse rumeur, à un moment, de Idris Elba reprenant le rôle. Oui, ce qui avait beaucoup fait gueuler aussi. Qui avait beaucoup fait gueuler, parce qu'en plus d'être dans un monde de misogyne, on est aussi dans un monde de gros connards racistes. C'est ça. Mais pourtant, Idris Elba dans le rôle de James Bond, moi, c'est oui tout de suite. Moi, je signe. Moi, où est-ce qu'il faut signer ? Donnez-moi le papier. Moi, ce qui me fait marrer, c'est Idris Elba dans le rôle de James Bond. On dit que c'est trop, que c'est excessif. Par contre, James Bond dans Moonraker qui se bat sur la lune avec des rayons laser, ça passe. C'est normal. Il y en a qui avaient réussi à trouver une polémique quand même pour le gardien du Bifrost. Hein. Oui. Joué également par Idris Elba. Voilà. Et là, tu te dis, mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Surtout quand t'as un mec aussi talentueux que lui, quoi. C'est ça. C'est pas comme si Idris Elba était un mauvais acteur, quoi. Donc, voilà. Oui. Il pète la classe, il est parfait. Tu sens un sentiment de puissance émanant de lui quand tu le vois. Tu dis, bon, ok, vas-y. Fais ton rôle. Mon billet sur la table que l'adaptation de La Tour Sombre, Idris Elba sera le meilleur truc du film. Ah, la vache. Clairement. Mon billet sur la table que ça va être ça. On en reparlera, je pense, plus le mois prochain. Bon. Ce serait bien qu'on essaie de le voir d'ailleurs. Moi, je suis pour. On se fera une petite sortie en groupe. Ouais. Histoire de voir ça. Allez, les enfants, on va voir La Tour Sombre. Pour l'instant, les retours sont très mauvais. Oui. Ah ouais. Autant américain que français, les retours sont très mauvais. Oh mince. C'est... Moi, ça m'embête parce que j'aime beaucoup La Tour Sombre. Enfin, le premier tome est très bien. J'ai un peu plus de mal avec les deux suivants, mais le premier tome est excellent. Et du coup, ça m'embête si c'est raté, quoi. Magie et Cristal était vraiment très très bon quand même. Oui, alors celui-là, apparemment, il sera adapté en série télé. Parce que c'est un gros projet, La Tour Sombre. Hein. Des films, des séries pour faire les liens entre chaque film. Magie et Cristal, pour ceux qui n'auraient pas lu, en fait, c'est le quatrième tome sur les sept dans l'œuvre de Stephen King, mais c'est quasiment intégralement un flashback. Magie et Cristal, un énorme flashback sur la jeunesse de Roland, le personnage principal. Donc joué par Idriss Elba au cinéma. Joué par Idriss Elba au cinéma. Et celui-là, il compte le faire en série télé, ce qui est plutôt une bonne idée déjà parce qu'il est énorme, il dépasse les 1000 pages, le machin. Et ça, c'est un film un peu à part, donc, enfin, c'est un tome un peu à part, donc ça permettra de le traiter. Enfin, ceux qui veulent pas en savoir plus que ça sur l'univers pourront le sauter, je pense pas qu'il nous prend grand chose. Oui, voilà. Parce que la série pourra se visionner toute seule sans avoir vu les films. C'est ça. Alors moi, celui que j'attends avec impatience, s'ils arrivent jusque-là, c'est le cinquième, Les Loups de la Calia, parce que je le trouve extraordinaire. Un espèce de western futuriste, héroïque fantasy, il est génial. Mais est-ce qu'on se garderait pas tout ça pour notre prochaine émission? On se garde ça pour la prochaine émission. L'émission consacrée à Stephen King. C'est ça. Donc, une troisième news, mon cher Issam? Oui. Bah, je pense que tu as regretté de pas être resté sur James Bond et Stephen King, parce que... On passe à Kick Paddle. Non, bon. Voilà. Non, allez, passe à la suivante. Donc, voilà. Kick Paddle qui va être adapté au cinéma par Kev Adams. Mais la grande star française, Kev Adams. C'est ça. D'accord. Qui n'a jamais été envisagé dans le rôle de James Bond. Qui fait partie maintenant du patrimoine culturel français. Il adapte, mais il n'interprète pas. On ne sait pas, en fait. Ça me paraîtrait un peu bizarre parce que Kev Adams adapte un truc sans jouer dedans. Voilà. Alors, le seul rôle que je lui trouve, parce qu'il commence maintenant, il n'est plus le petit. Donc là, le rôle qui pourrait être marrant éventuellement pour un Kev Adams à ce niveau-là, c'était celui qui garde la salle d'arcade. Ah, pourquoi pas. Là, ça passerait. Ou alors, comme pour moi, dit, ça passerait. Ou alors, comme j'avais dit à Issam, un rôle de grand frère introduit aux chausse-pieds dans l'univers qui passe. Ou alors, on parle du cinéma français de Kev Adams. Un coup de fusil à pompe à la fois dans la licence. Non, je te rappelle que le film Bullet Bill ne se concentre pas sur Bullet Bill. Je te le rappelle. Alors, le film Bullet Bill, Franck Dubosc est bien dedans. C'est le seul bon élément du film. Oui, mais c'est pas un film Bullet Bill. Je pensais pas dire ça un jour de Franck Dubosc. Mais on n'est pas dans un film Bullet Bill. C'est ça le problème. C'est Kid Paddle, je sens bien aussi le coup. Kev Adams jouera Kid Paddle, mais plus grand, qui se souvient de son enfance avec une sorte de trip nostalgie. Je sens bien venir ça aussi. Bref, on en parlera. Hélas. Ou pas. Nouvelle suivante, une autre adaptation de BD. Celle qu'on attend tous. Voilà. One Piece va être adaptée en série télé américaine. Ouais, série live, pas série d'animation. C'est déjà fait, la série d'animation. La série d'animation, c'est déjà fait. Je ne comprends même pas le projet, en fait. Déjà, mettons les choses au point. À l'heure où on enregistre ce podcast, on ne sait rien encore de ce projet. On sait juste que c'est signé. Mais et que c'est un projet américain. Voilà. C'est ça. Mais ne serait-ce que la question du budget pose problème. Oui. C'est One Piece, c'est les combats avec plein de pouvoirs dans tous les sens, des trucs de dingue. C'est n'importe quoi. Ils vont trouver le budget. Donc déjà ça, et puis il y a aussi un autre truc qui risque de poser problème, c'est que les USA, c'est quand même là où ils ont censuré les flingues dans One Piece. Ils ont censuré tout ce qui pouvait être gênant, ils ont remonté les décolletés de façon à ce qu'on n'en voit pas trop. Ils la font comment leur série avec des pistolets à eau là? Ou alors One Piece sur une chaîne câblée type HBO. Ouais, enfin, si c'est pour rajouter une scène de cul toutes les 10 minutes. Ce sera un concept, hein. Mais niveau effets spéciaux, seul le câble pourra faire un bon truc. Moi, le network américain ne pourrait pas. Ils arrivent à gérer quand il y a 5-6 minutes d'effets spéciaux de temps en temps sur Game of Thrones, et encore, ils ne sont pas toujours parfaits. One Piece, techniquement, il y a des épisodes, ce sera entièrement de la baston à base d'effets spéciaux. Ce qui est affreux, c'est que je me dis que le temps déjà de sortir un de diffuser un épisode pour être sûr du coup et avoir de la marge, ils vont au moins en avoir tourné 3-4 d'avance. 3-4 d'avance, jamais ils se ramassent la gueule au premier épisode et que ça redécolle pas derrière, ça va être une perte monstrueuse. En général, les séries US, quand c'est une première saison, ils tournent déjà une dizaine d'épisodes avant de voir si on en retourne une dizaine après. Ça que ça fonctionne en général. Du coup, qu'ils fassent quand c'est sur du network, quand c'est sur du câble, tout est tourné d'un coup. S'ils font une dépense comme les épisodes de Walking Dead où c'est 2,5 millions par épisode et qu'ils se ramassent comme une merde, pour une qualité discutable, ça va être délicat quoi. Walking Dead arrive à ce budget là parce qu'il a quand même un passif quoi. Ouais. Là ils vont pas commencer avec 2,5 millions. Oui, voilà, c'est ça. Les premiers épisodes de Walking Dead, le budget était pas là. Il y avait déjà beaucoup de budget. C'était chippos, mais au final, je trouve que c'est les meilleurs. Enfin, non. Ce serait exagéré de dire que c'était les meilleurs épisodes, mais c'était quand même des épisodes bien supérieurs à certains les moins autres. Ouais, voilà, c'était les moins mauvais, on va dire. Ah bah, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, oui, là, je suis d'accord. Voilà. Puis il y a la nouveauté, et puis il y a les personnages qu'on découvre au fur et à mesure. Ça, c'est voilà. C'est, du coup, effectivement, tu as plus d'acteurs après. Non, mais il y avait une certaine âme, tu vois, dans les premiers épisodes de Walking Dead, que maintenant, tu vois que c'est vraiment. Bah, c'est du travail à la chaîne, limite. Ouais, voilà. Ce qui est bien avec Walking Dead, c'est que ça nous a apporté l'horreur à la télévision qu'on avait perdue pendant des années. On retrouve des séries horrifiques maintenant grâce à Walking Dead. Grâce au succès de Walking Dead. Ouais, c'est dommage que c'est vrai que c'est une série horrible. C'est pas si... Ouais, c'est horrible, mais c'est pas si horrifique que ça. Je te parle d'horrifique au niveau. Oui, au niveau de l'histoire, etc. Ouais. Et puis même au niveau du gore, tout ça. C'était quelque chose qu'on avait perdu à la télévision. Qui maintenant revient grâce à ça. Bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y en a qui ont réussi à rentabiliser des épisodes à 2 millions 5. Donc à partir de là, bah, si t'as un beau projet, tu te dis, bah, ça va passer à la télé, il y a un public, on peut risquer. Avant, ils auraient même pas risqué, les mecs. Quoi. Et puis, je suis quasiment sûr que sans le succès de Walking Dead, on n'aurait pas eu des tueries comme American Horror Story, par exemple. Voilà. Voilà. Ça a permis de ramener l'horreur à la télévision. Et pour ça, merci Walking Dead. Pour la qualité actuelle, non merci Walking Dead. Et H versus Evil Dead aussi. Ah, mais extraordinaire, H versus Evil Dead. Ça, on pourra en parler une émission entière de H versus Evil Dead. C'est tellement de la tuerie. Et sinon. Non, bah très bien. Bah, si on a fini sur ce sujet-là, on va passer à la dernière news que j'ai mise de côté. Et qui va nous permettre de faire la transition avec notre sujet du jour. Faire le pont. C'est la sortie à venir du film The Disaster Artist, réalisé par James Franco, qui jouera aussi le rôle principal. Alors, The Disaster Artist, à la base, c'est un livre écrit par Greg Sestero, qui raconte le tournage du film The Room. Alors, The Room, c'est un film réalisé, écrit, monté, produit, tout, par quelqu'un qui s'appelle Tommy Wiseau, et qui est assez remarquable parce qu'il a le talent dans... aucune des disciplines qu'il a suivies sur ça. Ce film. Je vais pas tenter le résumé de l'histoire parce que j'ai pas compris. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Un mec qui est accusé d'avoir tapé sa femme mais qui l'a pas fait. I did not hit her. C'est un drame psychologique avec des gros guillemets et avec un triangle amoureux tout bidon. Et en fait, c'est en tant que nanar, c'est devenu assez culte, c'est un des nanars les plus cultes, je pense, avec Troll 2. Ah oui, mais c'est carrément culte. Et les Edwood. Et donc, il y a eu ce livre écrit par un des acteurs sur le tournage du film qui va être adapté au cinéma. Voilà. Alors, je suis pas fan de Seth Rogen et James Franco d'habitude. Par contre, la bande-annonce qui a été dévoilée est vraiment sympa, je trouve. Je sais pas si vous l'avez vu. Seth Rogen fait aussi partie du projet. Oui. D'accord, je crois qu'il joue Greg Sestero, justement. D'accord. Mais il doit produire aussi, non ? Oui, probablement. Parce que c'est un bon producteur. Lui. Bah, disons que là, le sujet peut permettre un éloignement du style Seth Rogen et James Franco, qui en général est un style très pipi-caca. Ouais, là, clairement pas ils ne sont pas là-dedans. Ouais. Voilà, clairement pas le style que moi j'affectionne, par exemple. Avec un sujet comme ça, au moins, il devrait pouvoir éviter. Mm. Après, avec eux, on n'est pas à l'abri de... T'as pas aimé le film avec le Kim Jong-un, là ? The Interview ? Ouais, The Interview. Ce film... Oh là là, bon, il y a des petits passages rigolos, mais c'est vrai qu'il est toujours pas vu. C'est vrai qu'il avait été interdit. Oui, parce qu'il y a à cause de l'histoire du piratage et des menaces d'attentat. Mais du coup, on peut l'avoir par le net. Oui, le DVD existe maintenant. Ah, le DVD, mais il y a même un DVD français. Hein, oui, aussi, oui. Oui, au final, ça a été commercialisé. Je l'avais trouvé dans un truc de déstock. Oui, mais c'est triste de payer pour ça. Ouais, one man. Ouais, la bande-annonce est assez sympa. En fait, ça montre le tournage d'une scène, alors une des scènes les plus connues où le mec débarque sur le toit en disant qu'il n'a pas frappé sa femme avec un jeu d'acteur. Inexistant. Alternatif. I did not. Hi, Mark. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Et cette scène, en fait, apparemment, la scène a été très dure à tourner parce que le mec n'arrivait pas à retenir son texte et il voulait le prononcer au mot près, alors que c'est un texte de merde, hein, on est d'accord. Oui. Mais il voulait le dire au mot près, donc il a recommencé des dizaines de fois la scène. Et la bande-annonce montre justement ça, et ça a l'air assez sympa dans le genre film sur le tournage d'un film. Alors, c'est très marrant parce que cette histoire du homo press, c'est justement un truc qu'on retrouve dans Goblin. Il y avait les acteurs qui disaient non, mais ça, c'est pas, ça se prononce pas, on dit pas comme ça. Et le réalisateur qui disait si, vous le dites exactement comme ça. Mais c'est un truc, je pense qu'on y reviendra en cours d'émission, c'est un truc qui revient dans beaucoup de nanars. Très récurrent. C'est assez régulier qu'il y ait des auteurs, mais qui soient persuadés de leur position d'auteur et qui, du coup, ne veulent pas qu'on change un mot de leur truc. Et c'est un des défauts possibles. Et qui ne laisse, du coup, aucune liberté aux acteurs ou aux personnes qui les entourent. C'est ça. Mais donc, du coup, le film pourrait être intéressant dans le sens où ça serait une espèce de making-of fictif. C'est ça. C'est très étonnant, en fait. Un peu comme Ed Wood. Un petit peu comme Ed Wood. De Burton. Mm. Et si on mettait les pieds dans le plat et qu'on arrivait au sujet principal de cette émission? C'était pas l'émission de Cyril Hanouna, ça, les pieds dans le plat? Oh putain, merde. Alors, ouais. C'est une émission nanar, hein. On vient citer Hanouna, qui prépare un film, je le rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ça s'appelle Baba. Hôtel Baba. On a déjà perdu trois abonnés. Baba Hôtel. Horreur Baba Hôtel, un truc Horror comme Horror ça. Hôtel. Je ne sais plus l'ordre des mots. Avec l'équipe de Touche pas à mon poste. Avec ses voilà. Et c'est quoi l'histoire? Apparemment, c'est... Une bande de connards fachos qui se rassemblent quelque part. Ah. Ça se passera dans un hôtel, ce serait une parodie de film d'horreur avec les chroniqueurs qui se font assassiner un par un. Alors, est-ce que le titre, ils auraient mis un making-of de l'émission en général, ça passait. C'est ça. Ça passait. Et en plus, ça va marcher, c'est ça le pire. Oui, c'est ça le pire. Hélas, oui. Donc, messieurs, le nanar, on y vient ou on n'y vient pas? Bah oui, on y vient. Alors le nanar, qui veut nous faire un petit explicatif du nanar? Le nanar, qu'est-ce que c'est? Je veux bien. On va laisser parler Aurélien, Issam a déjà beaucoup parlé. Alors le nanar, il y en a beaucoup déjà qui parlent cinéma, qui en ont parlé, mais on va revenir dessus. Le nanar, c'est des films qui sont non intentionnellement mauvais. C'est-à-dire que le réalisateur était persuadé qu'il faisait un bon film, qu'il avait une trame et tout, tout ça est bien, que... sauf que le résultat final est tellement mauvais que ça en devient drôle. Voilà. Et vraiment, c'est important, c'est un facteur involontaire. C'est des films dont on aime se moquer. Il y a aussi, après, donc, les comédies nanardesques qui, elles, sont des nanars volontaires et donc ce n'est pas des vrais nanars. Voilà, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais, par exemple, on peut citer Sharknado dans les récits. Voilà, c'est le plus connu. Petit point avant de continuer, le mot nanar, c'est une spécificité française. Ouais. Ce mot n'a aucun équivalent dans une autre langue. Ouais, c'est aux USA, c'est tellement mauvais que ça devient bon. Voilà. Voilà, c'est une phrase en fait chez eux. Nous, voilà. On a raccourci ça. On s'est dit nanar, c'est très bien. En même temps, la culture nanar, c'est un truc assez français. Mais ça a eu des prémices aux USA avant qu'on donne un nom dessus. C'est... La culture de la moquerie en fait, tout simplement. Mmh. Oui. Bah, là, juste un petit truc là-dessus. Par exemple, Evil Dead est un nanar. Je suis moyennement d'accord. Moi aussi. Il a des aspects nanar, mais je trouve qu'il reste bien au premier degré, pour le coup. Sauf que l'intention de ce qui est ressenti du film, ça n'a pas été ressenti tel que ça aurait dû l'être par la majorité du public. Du coup, ils ont joué là-dessus pour le 2 et le 3. Tu veux dire que Sam Raimi, en tournant Evil Dead, voulait faire peur à son public? Je crois qu'il voulait que le film soit un tout petit peu plus pris au sérieux et que du coup, ça a eu un petit côté décalé qui ne passait pas. Du coup, ça a rattrapé pour Evil Dead 2. Voilà, et du coup, ça a donné quelque chose, une appropriation de son échec pour dire, tant pis, on va refaire une réussite totale et faire un triplé. Et c'est ce qui a été fait, un triplé gagnant. Evil Dead 2, qui est très particulier comme film, vu que c'est le remake du premier, mais auquel on a foutu un 2, et qui est en fait un remake humoristique. Voilà. En tout cas, plus humoristique que le premier. C'est très particulier, Evil Dead 2. Et le 3, qui est presque une fresque épique. Et pour le coup, qui est une vraie suite. Et qui est toujours comique, mais qui a vraiment des moments forts, des moments même où on a peur. Il y a des moments où on a peur pour le personnage en se disant, mais waouh. Et là, non, le film est vraiment bon. J'adore le 3. Le 3, c'est mon préféré. Moi, c'est le 2. Ah. Les 3 à Evil Dead sont bons. Mais moi aussi, j'ai une petite préférence pour le 2 quand même. Mais mon favori, c'est le 2, qui regorge d'idées cartoonesques que je trouve géniales. La main. La main, mais le plan où il se met la tronçonneuse à la place du bras, ce plan est fabuleux. Le gros plan sur son visage, tu veux dire? Non, le plan où on le voit sortir du garage, qui est un espèce de plan badass, un plan débulé, on en parlait la dernière fois, mais qui est super classe. Alors par contre, justement, cette loose involontaire, ça peut nous amener sur un sujet et un réalisateur bien connu de l'univers nanar, bien connu de l'univers cinématographique, Ed Wood qui est réputé comme étant le plus mauvais réalisateur de toute l'histoire du cinéma l'arrivée de Tommy Wiseau. Au moins on le qualifie de réalisateur. Au moins. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu carrément faire que non ça n'existe pas, c'est pas chez nous ça. Mais Ed Wood souvent en fait alors il y a eu des nanars avant je pense, mais déjà il y en a beaucoup qui ont dû être perdus. Oui. Et puis surtout, Ed Wood, ça a été le premier à avoir une carrière intégrale. Oui, c'est surtout ça. C'est systématique. C'est que Ed Wood, c'est acharné. Et surtout, le truc qui a joué en sa faveur, c'est que le personnage dégage une sympathie et fascine. Mais ce qui fait que du coup, il faisait des films qui étaient mauvais, mais avaient déjà en quelque sorte son public. Parce que finalement, il faut de l'argent quand même pour les sortir. Même si c'est des productions fauchées, il fallait de l'argent, il fallait du maître de bobine et tout ça. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à faire vivre... en quelque sorte, le prémisse du nanar moderne. Je pense qu'il y a quelque chose. Après, Ed Wood, quand le film de Burton est assez, assez bon à ce niveau-là. Il montre comment il finance ses films. Et à chaque fois, c'est en étant un petit peu manipulateur. Glenn ou Glenda, un de ses films. Alors, l'histoire de Glenn ou Glenda, c'est plus ou moins une biographie, hein, là, enfin une autobiographie de la part d'Edward. C'est un mec qui aime mettre des vêtements féminins et qui essaie de le cacher à sa fiancée. Et Elwood faisait vraiment ça, et en fait, il s'est servi du film pour l'annoncer à sa fiancée. La grande classe, celui-là, pour le financer, en fait, il a débarqué dans le studio d'un producteur qui cherchait à produire un film. En fait, il avait déjà le titre et l'affiche du film qu'il voulait faire. Et il a dit, bah, moi, je peux le faire, j'ai fait des trucs super avant. Avant, sans jamais dire quoi, et le producteur lui a fait confiance pour faire son film fauché, et il a fait complètement autre chose que ce qui était prévu à la base, en fait. Et à chaque fois, c'est un peu comme ça, son plan neuf de l'hyperespace, il se l'est fait financer par l'église baptiste. C'est parce que son logeur, enfin son le propriétaire de l'endroit où il vivait, était membre de l'église baptiste, et lui avait dit un jour qu'il voulait produire une série de films sur les apôtres. C'est ça. Et Ed Wood a dit, oui, mais ça, ça ne trouvera pas son public. Donc, pour avoir l'argent pour faire ça, il faut que vous fassiez d'abord un truc commercial, histoire d'avoir l'argent après pour produire vos 12 films suivants. Et ça tombe bien, moi, je suis réalisateur et j'ai un truc commercial à vous proposer. On va reparler de ce film-là. Et donc, pour pouvoir faire son film, l'intégralité de l'équipe de tournage a dû être baptisée à l'église baptiste. Donc voilà, il trouvait l'argent pour faire ses films. Tu sens le mec qui avait du nez. Un gros arnaqueur. Tu sens le mec qui avait du nez. Il y avait aussi beaucoup de recyclage de matériel d'anciens tournages. Il y avait aussi beaucoup de ça. Le stock shot, on y reviendra. Aussi la technique de stock shot. Finalement, on comprend pourquoi il n'y a pas, pas beaucoup d'acteurs, en fait. Bah, dans l'ensemble, à part Bela Lugosi, il n'y a aucun vrai acteur. Ouais, voilà, il n'y en a pas. C'est ça. Et puis surtout que c'est un grand acteur. Le nombre d'acteurs, par exemple, sur le film dont tu parlais juste avant, je veux dire, il y a combien d'acteurs dans le film en tout? Différents d'acteurs. Plan 9 de l'hyperespace. Ouais, il y a combien d'acteurs en tout? On compte le chiropracteur de sa femme. Oui, on le compte. Par contre, on compte aussi. Il y en a combien? Je sais pas. Il y a pas grand-chose. Il y a trois policiers, deux pilotes d'avion, une hôtesse. La femme du pilote. Voilà, la femme du pilote. Bela Lugosi. Les trois extraterrestres. Voilà. Et les deux fossoyeurs. Voilà. Ouais, qui font une magnifique apparition. Voilà. On devrait y aller. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et donc, on arrive sur quelque chose où il n'y a pas de monde. Il n'y a rien. Je veux dire, le mec, il avait décor minimaliste, trois acteurs, et hop, c'est parti. Mais c'est un peu la politique Ed Wood. C'est l'image globale qui compte pour lui. Et les petits détails, à ses yeux, le spectateur n'y fera pas attention. Oui. Mais il est réellement sincère quand il dit ça. C'est pas une politique de on s'en fout, c'est pas un réalisateur je m'en foutiste. C'est juste pour lui, si l'image globale est bonne, les gens ne feront pas attention aux petits détails. Et donc, si on regarde ses films, déjà il y a des fonds raccords jour-nuit à toutes les sauces. Il y a des... Voilà. Et dans Plan 9 de l'hyperespace, il y a une scène dans un cimetière où le mec, un des policiers, fait bouger en fait une des tombes parce que c'est des tombes en carton-pâte. Mais comme quand on voit la pierre tombale qui bouge, oui aussi. La crypte en carton. Et Ed Wood dit c'est pas grave, les gens feront pas attention, l'image globale est bonne, c'est pas grave s'il y a ce petit détail. Les gens seront immergés dans le film donc ils ne feront pas attention aux soucis. C'est ça. Et donc dans l'ensemble, ils ne faisaient qu'une prise à chaque fois. C'est comme des films modernes d'aujourd'hui hein, qui des fois laissent des petites erreurs de montage parce que les gens ne le verront pas. Alors aujourd'hui, c'est plus impardonnable parce qu'à l'époque, il y avait le maître de bobine qui coûtait cher. Et là, on parle d'une production fauchée, donc retourner une prise, des fois, c'est impossible. C'est ce qui est failli. Enfin, c'est le souci qu'il y a eu avec Star Wars, par exemple, c'est que ça coûtait cher et que il a dû se démerder avec les rushs qu'il avait parce qu'il pouvait pas faire autrement. Et ça a marché. Et par contre, aujourd'hui, on est au numérique, donc retourner une rush, c'est pas grave. Voilà, c'est il y a raté, ok, on efface et puis c'est bon. On recommence. Quand ils se rendent compte pendant la post-prod ou pendant le montage, c'est plus compliqué déjà. Ah oui, parce que ça se développe. Hein. Ça se développait comme les photos, quoi. Donc ça prenait beaucoup plus de temps de savoir si c'était dégueu ou pas. Oui, parce qu'on n'a pas replacé le contexte. Ed Wood, on est dans les années 50. Voilà. C'est vrai qu'on ne l'a pas replacé... 60. Non, années 50, Ed Wood. Non, 50. Glenn ou Glenda... Alors, pour ces trois films les plus connus, Glenn ou Glenda, c'est 53. Plan 9, c'est 59. La fiancée du monstre, c'est 55. Et Plan 9, c'est 59. Le début de carrière d'Ed Wood, c'est les années 50. C'est le début des années 50. Je pense même que c'est la fin des années 40. Ouais, même peut-être la fin des années 40. Glenn ou Glenda, c'est son premier. Oui, parce qu'il a commencé par des courts-métrages avant de commencer par des longs-métrages. Donc, les courts-métrages, c'était plutôt fin des années 40. J'avais en tête la date du Plan 9. Ed Wood, je pense qu'il a aussi été popularisé par le film de Burton. Oui. Burton réussit très, très bien à retranscrire ça. Et surtout, Ed Wood est joué magistralement par Johnny Depp, mm-hmm. qui n'était pas un simple pirate qui fait toujours le même rôle, mais tout est comme aujourd'hui. C'est même visuellement le noir et blanc qui est sublime. En fait, il arrive à combiner des techniques d'Ed Wood. C'est le film est filmé en noir et blanc, mm-hmm. et il y a des scènes où il emploie des trucages typiques d'Ed Wood, des décors en carton-pâte, des éclairs peints directement sur, oui. sur la pellicule. Et en même temps, il arrive à faire un film visuellement magnifique. Ouais. C'est au niveau de la photographie, c'est un des plus beaux Burton. Ah trouve. Mais moi, c'est l'un de mes Burton préférés. Et tu parles de Johnny Depp dans le rôle d'Ed Wood, mais il faut aussi signaler Martin Landau dans le rôle de Lugosi, oui. qui est extraordinaire, qui fait un Lugosi ultra touchant en fait. Bah, même qui limite incarne Lugosi, hein, oui. complètement. Hein. Vous retrouverez Martin aussi Landau, qui est mort il n'y a pas longtemps, hélas, le même jour que George Romero. Oh la vache. Sinon, il y a un truc qu'on peut retrouver sur le net aussi facilement. Simplement, quand on tape Plane 9 from Outer Space, j'arriverai jamais à le dire. Outer Space. Voilà. Et ben, on va tomber déjà sur les films intégraux. Je vous conseille de les regarder. Mais donc, en plus, on va tomber sur un comparatif entre des scènes filmées de la vie des tournages d'Ed Wood et ce qu'on retrouve dans le film de Burton. Ils ont reconstitué complètement c'est les dingue. Décors et les scènes de façon à ce que ce soit le plus réaliste possible, le plus fidèle à des archives. Et ça, c'est beau. C'est, on sent vraiment un hommage. Il y a un gros travail. Mmh. Oui, parce que le Ed Wood de Burton est aussi une vraie déclaration d'amour au cinéma. Plus qu'à Ed Wood, c'est aussi une déclaration d'amour au cinéma. Mmh. Vraiment. On sent que c'est un réalisateur qui a marqué Burton dans ses jeunes années, que ça doit faire partie des réals qui lui ont donné envie de tenir une caméra. Alors, heureusement pour nous, Burton fait des films de bien meilleure qualité que ceux d'Ed Wood à son époque. Heureusement pour nous. Bon, après, la qualité a fini par se perdre au bout d'un moment. Mais... Moi, j'aime bien les Burton récents. Quand même. Oui, pas tous, mais... Frankenweenie, tu es... Frankenweenie, il est bien Frankenweenie. Oui, ouais, sympa. Voilà. Puis la musique de Elfman, c'est génial. Mm. Non, mais voilà, Ed Wood, je pense que s'il est devenu aussi culte, et si on le considère comme le pire réalisateur de tous les temps... En réalité, c'est pas le pire réalisateur de tous les temps. Il y a eu largement pire après. Oui, bon. Fais gaffe, hein, il va venir te tabasser à la boutique. Non, on n'est pas des journalistes, nous. Non, et puis on pourra jamais entrer à son restaurant si on le critique. Ce serait dommage. C'est pas faux. Mais je pense que c'est juste le facteur sympathie du personnage. Parce que ce mec aimait le cinéma. Et véritablement, en fait, voir les films d'Ed Wood, ça donne envie de faire du cinéma. Oui, je prends plus de plaisir à regarder un film d'Ed Wood qu'un film de Michael Bay. Bon, après, pour essayer de défendre un peu Michael Bay, ça se compare pas, quoi. Les films de Michael Bay, d'Ed Wood... Oui, ça se compare pas. Ça se compare pas, mais bon. À côté de ça, c'est vrai que là, je veux dire, pour le peu que j'ai vu d'Ed Wood, il y a des ambiances qui, malgré tout, sont hypnotiques. Mm. Je veux dire, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est nul. OK, il y a du nul. Mais à côté de ça, il y a une ambiance derrière qui est très intéressante et qui prend aux tripes. Et limite, t'as envie d'y croire et que le film soit bon. Si le film, tu peux y arriver. En fait, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas lieu de comparaison. Michael Bay comme Ed Wood font tous les deux des... Enfin, l'un faisait, l'autre fait, tous les deux des films de divertissement, de pur divertissement. Donc si, il y a lieu de comparer. C'est juste que l'un a beaucoup plus de budget que l'autre. Ouais, c'est pas les mêmes moyens, puis c'est pas les mêmes genres de films. Non, j'irais pas comparer ces deux... Bah, pourquoi? Mais c'est pas par rapport à dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste, je sais pas, j'irai pas les comparer, c'est tout. Après, c'est mon choix, hein, c'est après, mon c'est quelque chose, voilà, c'est un souci aussi, ça, faut qu'on en parle sur le nanar. Il n'y a pas plus personnel. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des. Effectivement, là, on parle d'Ed Wood. Ed Wood, ça, le plus grand nombre va apprécier en nanar. Mais il y en a qui vont pas accrocher et qui vont adorer d'autres nanars, qui vont défendre vraiment, parce qu'en disant, ça, c'est vraiment ce que j'aime, alors que c'est de la merde. C'est personnel, et il y a des trucs... oui, il y a des nanars qui passeront pas avec tout le monde. Ils passeront pas avec tout le monde, parce qu'en plus, le nanar, ça touche plein de styles différents, et les styles ne touchent pas tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui aime les films d'horreur, comme il n'y a pas tout le monde qui aime les films d'amour. Et ben, y a des nanars dans tous les styles. Oui, parce que le plaisir que tu as dans un nanar, c'est de voir les défauts et de te dire... Ah bah oui. Je veux dire, si t'es habitué au film d'action, un nanar d'action, tu vas être aux anges, quoi. Bah ouais. Oh, c'est génial, il y a tout ce que j'aime. Tu t'appropries un petit peu le film et t'es content, en fait. Tu passes un bon moment. Relatif. Un bon moment tout relatif. Moi, je passe des bons moments. D'ailleurs, l'archiviste du cinéma, je pense que t'as vu quelques nanars d'action. Nanar d'action, oui, mais c'est pas forcément le genre que je regarde le plus, nanar d'action. Pour revenir à ce que tu disais, moi, les deux types de nanars que je vais préférer, c'est le nanar horrifique et la comédie. Alors, pas la comédie nanar, c'est-à-dire pas le nanar volontaire, mais les trucs qui sont censés être des vraies comédies, mais qui sont ratés et qui deviennent des nanars. Voilà, donc, les trucs qui sont censés être drôles, qui ne le sont pas et qui, du coup, le sont. Et ça, c'est une spécialité franco-française, en plus, on en a foule de machins comme ça. Et ça me fait mourir de rire, moi. Les drôles de zèbres, les touche pas à mon biniou, les congrès des belles-mères, moi, ça me fait éclater de rire. Les congrès des belles-mères. C'est... Alors, rien que des le belles-mères, titre. Juste le résumé, je crois que c'est années 50 ou années 60. 60, je dirais. Ouais, le résumé, c'est dans un village, sous l'impulsion des belles-mères, les femmes essaient de se libérer du patriarcat, et les hommes se battent contre ça, et gagnent à la fin. Ah, bah voilà. Ouais, la morale de l'histoire. Un film progressiste. Ouais. Un film d'actualité. C'est ça. Ils avaient l'occasion, il y a un demi-siècle, ils l'ont pas fait. Ah bah, dans les années 50-60, Doctor Who n'aurait jamais été une femme. Mon Dieu. Si, mais ça aurait été la fin de la série. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est voilà, le TARDIS n'aurait plus fonctionné. C'est ça. Puis, voilà, elle serait trouvée une vie normale. Hein, elle aurait fait des enfants. Avec cuisine. Voilà. Ça aurait été une catastrophe. D'autres grands réalisateurs de nanar dans ces années-là? Dans les années 50-60, ouais. J'ai du mal à en voir des grands réalisateurs de nanar dans cette période-là. Alors, il y en a quelques-uns, par contre, je ne me souviens plus du tout les noms. Il faut se faire du film qui avait fait une très bonne vidéo sur le nanar. Du coup, on va se retrouver à l'époque moderne. Ouais. Attention. Quel enthousiasme. Donc l'arrivée de ce qu'on appelle les mockbusters. Donc ces studios un petit peu crevards sur les bords qui vont faire leur propre version de grosses machines hollywoodiennes. On va notamment penser à Transmorphers. Voilà, avec toujours des noms assez proches de l'original pour pousser les gens à se tromper, justement. Pacific Rim qui est devenu Atlantic Rim. C'est ça. Et ils s'arrangent pour que le DVD de leur merde sorte toujours un petit peu avant la version cinéma du gros film hollywoodien qui arrive. Pour Twilight aussi, non ? Il y avait des versions comme ça ? Je crois qu'il y en a eu pour Twilight. Ouais, de toute façon, il y en a eu pour à peu près tous les gros films. Hein. C'est ça. Alors, il y en a énormément pour les films pour enfants. Ouais. Les dessins animés Disney ont beaucoup souffert de ça. Il y en a énormément. Alors, il y a aussi un truc important sur le mockbuster, c'est que des fois, c'était pas fait pour surfer sur... ça, c'est important. C'était pas fait pour surfer sur une réussite d'un film et pour vendre dans les pays riches, finalement. Des fois, c'était aussi parce que y avait une censure. Et notamment, on retrouve ça en Chine, où il n'y a rien qui rentrait, qui était produit chez les USA. Mais par contre, faire une parodie de ce qui se faisait, ou une copie... Et ils font leur propre version. Ils font leur propre version. Et du coup, tu te retrouves plein de versions asiatiques de trucs qui n'ont jamais passé la frontière, mais même, qui ont été refaits sur place. T'es même pas obligé d'utiliser le passé pour ça, parce que encore il n'y a pas longtemps, encore ça a été fait pour Mad Max Fury Road, qui n'a pas été autorisé en Chine. Et du coup, ils l'ont fait. Et du coup, il y a une version chinoise qui existe, que je n'ai pas vue, mais la bande-annonce est... Et on retrouve le même phénomène en Turquie, avec Turkish Star Wars, Turkish Superman, voilà. Alors, eux, je pense que les films arrivaient jusqu'à eux, mais c'est plus ils disaient « Ah, c'est génial ! On va faire pareil !» Mais quelle mauvaise idée ! Et voilà, c'est... Avec la fameuse momie en pécule en Turkish Star Wars. Mais des fois, donc, c'est pas pour faire du fric ou pour surfer de façon malsaine sur un succès, des fois, c'est... pour réussir à faire passer cette culture-là, malgré tout, malgré des barrières qui sont infranchissables. Mmh. Et se faire du fric. Pas tant que ça, en fait. Ça, c'est le lot de toute société. Bon, c'est quand même le but, oui. Assez pour pouvoir continuer. Oui. Déjà, ça, c'est... Après, oui, c'est pas un but, oui. Après, c'est vrai qu'en Chine, vu le nombre de personnes qu'il y a, s'il y a par exemple 5% qui l'ont vu, là, ça fait effectivement du pognon. Voilà. Mais bon. T'as quand même potentiellement énormément de spectateurs. Ah oui, oui, oui. Avec un territoire comme la Chine, voilà. Bon, par contre, quand t'es des trucs genre, je sais pas moi, la Corée par exemple, les chats, t'auras beaucoup moins de monde, quoi. Oui. D'ailleurs, ça se fait beaucoup moins en Corée, ce genre de truc, j'ai l'impression. Bah, la Corée, c'est vraiment spécifique. Hein, c'est... Mm. Bon, la Corée du Nord, on n'en parle pas. Oui, non, mais oui. On sait qu'il n'y a rien qui rentre, tu te fais décapiter. Il n'y a rien qui sort surtout, donc on a du mal à savoir exactement ce qu'ils font. Mais bien entendu, on parle de la Corée du Sud. Bien entendu. Voilà, la Corée du Sud. Non, c'est vraiment spécifique. Eux, c'est plus... ils ont réussi à faire un peu comme le Japon, qui est sur la réussite absolue, mais encore plus hardcore. Et donc, tu as des trucs qui sont produits en Corée, qui sont là juste pour faire du fric, et qui sont parfaitement calculés, ce qui fait que ça fait des buzz monstrueux, ça ramène masse fric, les jeux, les mêmes aux coréens. Bah, c'est surtout que, d'un point de vue... Gangnam Style. C'est surtout que d'un point de vue culture, enfin, le Gangnam Style doit beaucoup son succès grâce à YouTube. Oui. C'est peut-être pas forcément une volonté de la Corée de l'exporter. Mais d'un point de vue culture, la Corée du Sud, que ça soit niveau cinéma, jeux vidéo, tout ça, c'est quand même très ouverte au reste du monde et assez rapidement. Ah oui, contrairement à d'autres pays asiatiques. Bah, la Corée du Sud, en fait, il y a eu une sorte de bouchon qui a sauté. C'est années 80 et 90. Fin des régimes politiques ont énormément changé en Corée. Et du coup, à partir de 95, 96, c'est 97, il y a eu une énorme libération au niveau de l'ouverture à l'international, enfin à la culture internationale, et au niveau de ce que les cinéastes pouvaient faire chez eux. Il y a eu une hausse des budgets monumentale. Et il y a vraiment une explosion du cinéma coréen à cette époque qui, effectivement, a emprunté des trucs. Alors, énormément au cinéma hongkongais et au cinéma japonais, mais aussi au cinéma américain, au cinéma français. Il y a une grosse ouverture. Ils ont fait une sorte de mélange avec ça, et ils ont construit le cinéma coréen qui est actuellement... relativement à la taille du pays, c'est un des plus vivaces du monde. Oui, complètement. Ouais, et puis avec des ambiances qui sont vraiment à part. Hein. C'est ça. Mais sinon, là, qu'est-ce qu'on a comme bon nanar là, qu'on pourrait encore traiter éventuellement? Bon, je pense qu'on en a encore beaucoup. C'est... Bah là, oui. Période Mockbuster, on a beaucoup d'incroyables bulk. Alors, est-ce que c'était conçu pour sortir en salle? Une sortie DVD, tu penses? Je suis même pas sûr. Je crois que c'est. Enfin. Ça existe en cassette, déjà je sais. Je sais même pas si c'est arrivé en DVD. Hein. Parce que les effets spéciaux dedans, c'est les GIFs YouTube en fait. Ah oui, puis il y a quelqu'un. C'est même pas une blague, c'est non, des GIFs YouTube, c'est vrai. Les décors, c'est du paint. C'est ça. Vous pouvez le trouver sur internet en cherchant un peu. Il faut voir la fin, il faut voir le final. Ah bah, le final suffit. Voilà. Alors, l'incroyable Bulk, donc un mockbuster de l'incroyable Hulk. C'est pas un mockbuster d'Iron Man. Où Hulk devient une grosse bestiole violette avec une gueule de bébé un petit peu attardée sur les bords, qui poursuit des gens. Et acteur qui, quand il court, en fait, court en restant immobile. Donc, il mime la course en restant sur place. Et le problème, c'est que ça se voit. C'est extraordinaire. Voilà. Et quand ils se déplacent, quand ils sont dans une voiture ou dans un hélicoptère, l'hélicoptère est dessiné autour d'eux, façon paint. Voilà. C'est extraordinaire. Ce film est magnifique. Tu nous l'as vendu, là. Ouais, faut le voir, celui-là. Puis, ouais, la scène d'action finale, en fait, au-delà du fait qu'en fait, ils passent toujours par les 2-3 mêmes rues, donc on a l'impression qu'ils courent dans un pâté de maison. Là, tu mets la musique de Bénil, c'est bien. C'est parfait. C'est ça. Et ils ont décidé de balancer... Tous les gifs YouTube, tous les gifs qu'ils n'avaient pas encore utilisés, ils les ont foutus dans la scène d'action finale. Tous. Donc à un moment, il y a un cactus qui court, à un moment, il y a un avion dessiné qui passe. Ça devient n'importe quoi. Tous les gifs qu'ils ont trouvés, qui sont les plus foirés possibles, qui n'ont aucun lien entre eux esthétiquement et tout, ils les ont tous mis. Comme ça, c'est... Ça m'a donné envie de le voir. Génial. Puis les textures du bulk sont fabuleuses. Le machin, en fait, a été... tellement mal généré, ses textures sont tellement foireuses que quand il a les bras le long du corps, en fait, ses bras lui rentrent dans le corps. C'est comme si tu voyais une cinématique PS1 qui aurait buggé. C'est ça. Avec le personnage qui traverse les textures, quoi. Sa posture de course est vraiment sympa aussi. En fait, il court pas, il trottine. Il se dandine. Voilà, c'est ça. Ah, ce film est tellement extraordinaire. Des grands noms, sinon, dans le nanar moderne? Alors, pas nanar moderne, mais pour moi, un grand nom du nanar français, ça va être Philippe Clair. Oui. Donc, Philippe Clair, c'est un réalisateur de comédie des années 70 et 80. Il a commencé à perdre en popularité dans les années 80. Et c'est le réalisateur, entre autres, de La Grande Java, enfin, de trucs comme ça. Et pour moi, son film le plus extraordinaire, c'est Le Führer en folie. Il est magnifique. Voilà, donc Le Führer en folie, pour l'histoire rapidement, c'est lors d'une émission de télé, un journaliste belge ou suisse, avec un accent hybride interprété par Galabru, présente sa théorie sur la Seconde Guerre mondiale, comme quoi en fait la conclusion de la Seconde Guerre mondiale se serait faite sur un match de foot. C'est voilà. Et comme l'équipe de France avait 3 glandus dans son équipe, qui était jouée par les Charlots, Il y avait 3 glandus dans l'équipe, et du coup, les 3 glandus sont envoyés au front, histoire de s'en débarrasser. Et au front, ils tombent sur un tank, et qui y a dans ce tank, évidemment, Adolf Hitler. Tonton Adolf. Il était en première ligne. Interprété par... On s'amusait tranquillement. Qui est interprété par un acteur exceptionnel, qui en fait des tonnes tout du long. Ah mais là, il était sous cocaïne. Il était sous coke, je pense. À ce moment-là, il était sous cocaïne. Ce n'est pas possible autrement. Et Hitler les prend pour des grands joueurs de foot et va les engager dans son équipe. Et donc, effectivement, le film se termine sur un match de foot totalement halluciné, avec à moitié en accéléré, avec Hitler qui tue des gens sur le terrain. Enfin, Ce film est génial. C'est pour ça que j'aime les nanars comédies, en fait. Cette séquence-là, c'est du Shaolin Soccer à la française, façon nanar. Pas le même budget non plus. Pas le même budget, forcément. Mais il s'est retrouvé dans beaucoup de nanars comédies Galabru. Ah, mais Galabru, sa filmographie est remplie de nanars. Il l'a voulu lui-même, d'ailleurs. Il y a des acteurs comme ça, tu suis l'acteur, quel que soit le réalisateur, tu dis « Ah, il y a des chances que ça passe ». Les Galabru, c'était le professionnel des comédies un peu con-con à la française. Hein. Ouais, c'est un style qui lui colle bien. Il y en a qui sont encore très plaisantes à regarder, même si elles ont vieilli. Il y en a qui sont encore tout à fait regardables. Ah bah, beaucoup de films des Soudoués, par exemple. Ah, c'est génial, ça. Ouais, voilà. Il y en a eu deux, mais voilà, ils sont regardables. Et en vacances. Oui, non, mais il y a plein de comédies de cette époque qui restent sympas, et puis il y en a d'autres qui ont un peu moins bien vieilli. Hein. Il y a aussi Drôle de Zèbre. Que je vous recommande, Drôle de Zèbre, alors réalisé par Guy Lux. Déjà, ça donne qui se souvient qui est Guy Lux aujourd'hui, voilà. Interville, attention à la vachette. C'est ça. Il y a aussi les Miss France. Les Miss France, exactement. La vachette aussi, du coup. Oh non. C'est pas la même vachette. Là, disons que c'est de la vachette de compétition. Alors, du coup, se foutre de la gueule de concours Miss France comme ça, est-ce que du coup ça devient un acte féministe ou est-ce qu'on va se prendre les féministes sur la gueule? Je sais pas. Bon, réponse quand l'émission sortira. Voilà, là je sais pas. Et donc Drôle de Zèbre, alors pour résumer très rapidement de ce que j'ai compris, c'est des mecs qui perdent de l'argent sur des courses hippiques et qui rencontrent un personnage d'industriel joué par Sim. Voilà, accompagné d'Alice Sapritch, qui est sa secrétaire. Il y a une scène sexy entre les deux. Bon, sexy, c'est avec des gros guillemets. Voilà. Et Sim leur dit qu'il y a un patron d'hôtel qui a trouvé apparemment une méthode pour faire gagner les chevaux en leur injectant des gènes de zèbre, voilà, un truc comme ça. Et ils sont chargés de s'infiltrer chez le patron de l'hôtel pour lui voler la recette. Et après, ça devient n'importe quoi. Voilà, jusque-là, il y avait à peu près un scénario, ça a tenu 3 minutes. Après, ça devient n'importe quoi. Guy Lux a invité tous ses amis, donc on a Coluche, on a Claude François qui vient dire bonjour. Wow. On a plein, c'est toutes les stars de l'époque viennent faire coucou. C'est ça, et le caméo. Encore une fois, pour vous donner une idée, à un moment, on en arrive à une scène où Sim est déguisé en baronne de Tronchambier. Donc c'est un personnage qui jouait dans certains sketchs, c'est une espèce de baronne bobo pet sec. Mmh. Donc Sim déguisé en baronne de Tronchambier, qui s'est fait injecter un virus qui fait qu'il se prend pour un mélange de singe et de Tarzan. Et qui du coup passe de liane en liane dans l'hôtel avec en musique le thème de « Savez-vous planter les choux ?» Il y a des lianes dans l'hôtel. Ou des rideaux, je ne sais plus. Ouais, je t'avouerai que je n'ai pas retenu les détails. Hein, quand même. Extraordinaire. C'est ça. C'est du luxe, quoi. Bah alors, là, il y a quand même du budget, on est d'accord. Hein. C'est pas de la production. C'est du luxe, il y a du monde au casting, donc je pense qu'il a eu un bon budget quand même. Il y avait de quoi engager Coluche, quand même. Parce que là, on a parlé beaucoup de productions fauchées, on a parlé de Mockbuster, on a parlé de... Et là, on arrive sur quelque chose, voilà, c'est nous. Nous, on a réussi à faire du nanar qui coûte cher, qui a du guest. C'est une fierté. Ah, mais du nanar qui coûte cher, il y en a quelques-uns. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est peut-être pour ça qu'on a un nom pour ça, nous. Parce que voilà, nous, on avait notre fierté du nanar. Tu vois d'autres grands noms Non, je pense qu'après, on viendra sur des studios nanars. Voilà. Mais... Là, ou alors des réalisateurs qui ont fait un ou deux nanars cultes. Mais justement, en fait, c'est tellement des nanars qu'après, ils n'ont plus rien fait de leur vie. Moi, j'aurais pensé à... Après, nanar ou mauvais film, Howard the Duck. Bonne question. Il y en a beaucoup qui diront quand même que c'est un mauvais film. Alors qu'il y a quand même pas mal d'aspects bien nanardesques dans Howard the Duck. Hein. Par contre, il a gagné ses lettres de noblesse petit à petit en entrant dans la culture pop, je sais pas comment. Et du coup, bah, c'est pour ça maintenant qu'on le revoit à nouveau. C'est le personnage. Il a aussi des adaptations jeux vidéo et tout ça, hein, Howard the Duck. Et puis il a fait quelques caméos dans les comics aussi. Voilà, donc oui, finalement... Ce film que George Lucas a tout fait pour faire disparaître. George Lucas a souvent voulu faire disparaître des films. À chaque fois, ça lui est revenu dans la gueule, étrangement. Hein. Ah bah, Star Wars... Le Star Wars Christmas spécial, ça lui est bien revenu dans la gueule. Hein. Pourtant, c'était pas pire que la prélogie. Oui, c'est pas faux. Mais je crois que pratiquement tous les grands réals ont un film qu'ils ont cherché à faire disparaître un moment, genre le premier film ou des trucs comme ça. Le premier Kubrick, ouais. Le Kubrick a tout fait pour que les copies disparaissent de son premier film. Et bien sûr, maintenant, il est diffusé en masse. C'est, j'ai trouvé ça limite un peu indécent. Alors qu'on le diffuse à la limite sur Internet, pourquoi pas, mais qu'on fasse un DVD du film, qu'on se fasse de l'argent là-dessus, j'ai trouvé ça un peu indécent. Alors, vis-à-vis de la mémoire de Kubrick. Oui. Ça, c'est dégueu, parce que là, il aurait juste été diffusé gratuitement sur YouTube. Youpi. Mais là, non, oui, faire du fric là-dessus, non. C'est... Voilà, justement, lui, il voulait justement pas que ce soit commercialisé, donc qu'on ne commercialise pas, quoi. Si, un grand nom du nanar qu'on a oublié, c'est Bruno Mattei. Bruno Mattei, justement, voilà. J'avais un doute et j'osais pas dire. Je me disais, si jamais je dis cette connerie-là et que c'était finalement un beau réal et que je me suis gouré de nom... Nécro, il faut c'est oser. Un nom, c'est un nom italien. Federico Fellini, réalisateur de nanar. Nécro, il faut oser. Est-ce que nous sommes des spécialistes du cinéma? Non. Non. Alors, osons. François. Ça n'excuse pas. Oh là là. Ça n'excuse pas. Je l'attendais, celle-là. Je l'ai placée exprès pour voir si tu allais réagir. Mon Dieu. Bruno Mattei, donc. Alors, il a fait notamment Zombie 3, qui est la suite de Zombie 2, qui est la suite de Zombie 1, qui est la suite de La Nuit des Morts Vivants. Ah ouais. Voilà. Sauf que c'est pas, si je me souviens bien, c'est lui qui a fait une suite, mais qui n'est pas tout à fait une suite. C'est pas une suite officielle. Enfin, c'est pas une suite officielle. Ben, je... Non, effectivement, c'est peut-être pas non, une c'est suite pas, officielle. C'est pas une suite officielle. Tu parles le Zombie 2, l'Enfer des Zombies, le film italien. Ouais, de Lucio Fulci. Lucio Fulci. Je crois que c'est une suite officielle, celui-là. Il me semble qu'il n'est pas officiel. Hein. Je crois que c'est... Et je crois que c'est une suite officielle par Dario Argento, qui avait, qui avait coproduit le deuxième Zombie de Romero. Ouais. Qui était sorti dans un montage spécial en Italie avec la musique de Goblin. Ouais. Et du coup, je crois que c'est aussi Argento qui produit le Zombie de Lucio Fulci. En tout cas, je sais que les deux sont assez proches. D'accord. Et la suite d'après, c'est Lucio Fulci qui avait commencé à s'en occuper. Donc le Zombie 3. Zombie 3, mais qui s'est barré, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, en fait. C'est effectivement Bruno Mattei qui a récupéré. C'est pour D'accord. la série Les Sega House que ça a été le bordel. Ben, c'est lié. Voilà. En fait. Oui, c'est ça, en plus. Oui, non, parce que justement, où là, il y avait des non-officiels qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient même pas eu de début. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, c'est de House qu'on arrive aussi sur, sur Troll 2. Sur Troll 2. Nanar assez culte. Voilà. C'est, on mettra sur la vidéo YouTube, on mettra un schéma explicatif si on arrive à y comprendre quelque chose. D'ailleurs, il y a des costumes de Troll 2 qu'on retrouve dans justement d'autres films justement de ces séries House complètement décalées. Ou... Bah, ah merde. Parce que Troll 2 fait aussi partie des nombreux nanars cultes du cinéma. Ah bah Troll 2, c'est pour moi le... C'est là où les Américains se sont dit « Ah ouais, le nanar, c'est génial !» et qu'ils n'ont toujours pas inventé le nom. Oui, c'est... Et donc, Zombie 3. Donc, Zombie 3, bah, c'est un film de zombies, hein, comme son nom l'indique. En fait, tout, c'est beau, c'est assez miraculeux comme film, parce que tout ce qu'ils pouvaient foirer, ils l'ont foiré. Voilà. C'est donc les effets spéciaux sont nullissimes, les effets gore sont nullissimes, les acteurs sont lamentables. Les zombies ressemblent même pas à des zombies, quoi. C'est ça. C'est des gens à qui t'as peinturluré la gueule et encore, légèrement. Et encore, je crois que la plupart sont mal peints, en fait. Je crois qu'il y avait du carton-pâte à un moment sur un pour faire des épaisseurs, si je me souviens bien de ce que j'avais vu. Ouais. Pour faire genre un effet de peau qui s'arrête. Voilà, non, fais pas ça. Ne faites pas ça, si vous commencez à faire du cinéma, ne faites pas ça. Voilà, c'est de se dire qu'on est arrivé là à partir de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Qui est un chef-d'œuvre, un très grand film du cinéma. Qui est un chef-d'œuvre intemporel parce qu'il se regarde toujours aussi bien et il repasse encore la télé. Enfin, je veux dire, c'est pas un film qui est mis de côté. Quoi. C'est... Bah, et son message est toujours aussi juste, surtout. Que tu peux regarder de manière totalement légit, hein, même sur Internet, étant donné qu'il est, qu'il est libre. Tu vas sur la je l'ai en édition DVD quand même. Moi aussi. Alors, pour la petite anecdote, le jour où le mec devait aller déposer le copyright pour le film La Nuit des Morts Vivants, eh ben, il a oublié. Et en fait, le film n'est pas copyrighté. C'est pour ça que le film peut être regardé de manière totalement légale en le téléchargeant sur Internet. Et du coup, n'importe qui peut aussi l'éditer, le sortir en DVD. C'est pour ça qu'il y a énormément d'éditions DVD qui existent de La Nuit des Morts Vivants et qu'il y a énormément d'éditions avec une image dégueulasse et tout, parce que les mecs sortent ça en se disant bon, on va se faire du pognon vu que du coup ça nous coûte rien, c'est juste on presse un DVD et puis voilà quoi. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'éditions de La Nuit des Morts Vivants. Donc attention lorsque vous produisez, lorsque vous procurez La Nuit des Morts Vivants, à prendre une bonne version surtout. Alors, j'avais pris une version qu'on retrouvait dans les magazines qu'on retrouve chez le marchand de journaux, et elle était bonne. Parfait. Donc ça va. Parfait. Je suis pas tombé sur une version tombée de camion pirate. Voilà, c'est qualité dégueulasse. Ah ouais, non, ça va. Et aussi, il faut voir la, le remake d'Un élément vivant de Tom Savini, donc le célèbre faiseur d'effets spéciaux, qui a beaucoup travaillé avec Romero, qui a fait une, sa propre version dans les années 90 de La Nuit des morts vivants, qui est très très bien. Ah. Voilà, bien mieux que la version récente de Zack Snyder. C'est plutôt un remake du deuxième, le Zack Snyder. Ah oui, c'est vrai, c'est plutôt un remake de zombies pour le coup. Ouais, ouais. D'accord qu'il y a eu un âge d'or quand même du nanar dans les années 90. Il y a eu un moment où, je veux dire, surtout dans le nanar horrifique. Je dirais 70 à 90. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on entendait surtout beaucoup parler. Et là, je remercie déjà le Festival d'Avoriaz d'avoir existé, mais aussi un magazine, Mad Movies, oui, qui parlait aussi bien des bons films que des nanars. Et les nanars, il y en avait plein. Grâce à grâce à ce magazine-là, tous les nanars qui passaient, même dans les pays complètement paumés, tout ça, ils en parlaient. Et ça, c'est magnifique. Il y a eu Midi, Minuit, Fantastique qui faisait ça avant aussi, à la fin des années 60. Et puis, dans les premiers, bah, Nanarland, niveau Internet, Nanarland, c'est la base. Hein, c'est la référence. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en termes de production, ensuite, 90, 2000, 2010, c'est quand même plutôt creux. En termes de production de nanars Bah parce qu'on a de plus en plus perdu la série B à tout petit budget. C'est ça. La plupart des gros nanars, c'est des séries B à petit budget. C'est ça. Quel que soit le genre. Donc il reste quelques gros nanars dans les années 2000. Je pense notamment au Resident Evil, qui sont des bons gros nanars ensemble. Le 2 surtout. J'aurais dit le 3, moi, tiens. Moi, je suis en train de me demander les films de Robert Rodriguez, vous les classeriez? On en a. Il y en a, oui. Lesquels? Certains, oui. Hein. Lesquels? Est-ce que tu en penses à certains? Une nuit en enfer? Je sais pas vraiment. Une nuit en enfer, je ne le considérerais pas comme un nanar. Machete. Machete, ouais. Machete, ouais. Ah, Machete, c'est un délire pour moi. C'est pas du nanar. Même plus encore le second. Tu vois, c'est difficile. J'arrive pas à le plus, dire que c'est du nanar. Peut-être mais... plus le second. Spike Kill Again. Oui, Kill Again, oui, clairement, c'est un nanar. Celui qui est en 3D? C'est ça? Oui, enfin qui était censé être en odorama aussi. Oui. Alors, le 3, ouais, ça, oui, effectivement, le 3, c'est il devait se dérouler dans l'espace et je sais pas quoi. C'est, pour moi, c'est du nanar. C'est-à-dire que ça en devient comique, les jeux d'acteurs sont. Stallone qui est dedans, oui, c'est juste drôle, quoi. C'est juste, tu regardes, tu t'éclates toi, tu te dis, mais non, c'est pas possible. De toute façon, Rodriguez, s'il avait pas été pote avec Tarantino, il aurait jamais été connu. C'est pas un bon réal. Non seulement c'est pas un bon réal, c'est surtout pas un réal appliqué. Dans tous ces films, j'ai l'impression que au début ça l'intéressait. C'est simple. Et puis qu'au bout de 3 jours de tournage, il s'est dit « Oh, ça me fait chier, je vais finir ça. » C'est simple. Tous les bons films de Rodriguez, il est accompagné de quelqu'un de talentueux. Sur Sin City, il y avait Tarantino avec lui. Ah oui, Tarantino sur Sin City. Ah oui, Tarantino, il a tourné une scène de Sin City. Ah oui. Il a tourné la scène où comment il s'appelle où Del Toro, oui, c'est Benicio Del Toro qui est dans Sin City. Avec la scène dans les chiottes, où il tabasse le mec, ouais, dans les chiottes, ouais. Bah, c'est Tarantino qui a fait cette scène-là. D'accord. C'est juste qu'il n'est pas crédité, mais c'est lui, ça, qui l'a tourné. Je ne trouve pas que ce soit un bon film, moi, Sin City. Ah, moi, j'ai bien aimé Sin City. Il y a un autre film aussi de Robert Rodriguez, j'ai oublié le nom, dans la même veine que Sin City. C'est le même... Sin City 2. Mais non. Mais prends-moi pour un con. Je te parle de la patte graphique, c'est la même... Spirit. Spirit, voilà. De Ah, les Talons des Plaines. C'est pas Spiritus. Non, c'est Spirit. C'est un film d'animation. Oui, non, mais je vois très bien, mais je croyais que c'était Spiritus. Ouais. Que pour le coup, Spirit, je pense que ça, c'est ça fait nanar quand même. Dans Machete, il est, oh, bah déjà, il est entouré de Danny Trejo déjà, qui. Ouais, Danny Trejo. Et oui, quoi qu'on en dise, est un acteur plutôt bon quand il est bien dirigé. Dans le 2, il y a quand même Mel Gibson. Bah dans le 2, il y a une flopée d'acteurs. Il y a pas Banderas dans un des deux. Ah, dans le 2, c'est dans le 2. Bah c'est dans le 2. Parce qu'en fait, c'est le personnage de je sais plus qui peut changer de gueule tout le temps là, qui à un moment prend le visage de, enfin qui à un moment est interprété par Lady Gaga, il me semble. Ouais, exact. Donc oui, il y a un 3 de prévu et comme Space Kids 3, ce sera dans l'espace. Bah je suis pas certain qu'il le fasse. Au final, c'était peut-être juste pour la vanne quoi. Sur la neige comme taxi. Souviens-toi qu'à la base, Machete c'est une vanne. C'était une vanne dans les bandes annonces de Greenhouse, les deux films faits par Tarantino, l'un par Tarantino et l'autre par Rodriguez. À la base, c'est juste une bande annonce. Et ils ont décliné aussi Une nuit en enfer en série. J'ai oui. commencé à regarder. Alors, c'est une série télé éditée par Netflix chez nous, ouais. mais diffusée par, au Mexique, diffusée par la chaîne qui appartient à Robert Rodriguez. Voilà. Oh, putain. Parce que Robert Rodriguez possède une chaîne au Mexique. Et qui, pour le coup, elle est pas... Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors, je ne l'ai jamais vu. Mais on m'en a pas dit du bien. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. C'est... Bah, ça fait... Ouais, c'est pitoyable. Ça quoi. Fait cheap. Ouais, c'est très très cheap. Encore plus cheap que les films de Robert Rodriguez, quoi. Pour moi, la télévision mexicaine, c'est telenovelas. Donc... Après, après, oui, Robert Rodriguez n'a pas fait que des mauvais films. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, comment il s'appelle Ce qu'il a fait, moi, j'aime. Le second de Greenhouse, Planète Terror, qui est très très bon. Qui est rigolo, ouais. Très très c'est bon, Planète Terror. C'est quasiment le seul, je trouve. Oh, j'avais bien aimé le premier Desperado. Ouais. Alors, le second, pas du tout. Le premier Desperado, j'avais trouvé ça correct. Le premier Desperado était sympa. Il y avait vraiment une esthétique. Ouais. Très sympa, des plans très travaillés et des trouvailles, je veux dire, lance-roquette par exemple, oui. des scènes qui sont magnifiques. Ah ouais, ça claque, ok. Alors, c'est peut-être pas le mot magnifique que j'aurais employé. Oui, non, c'est juste que tu prends la scène dans la gueule, tu dis oui, voilà, ouais, ouais. Ah, je suis content d'avoir vu. Il y a quand même des bonnes idées. Ah, plein de temps, il y a des bonnes idées. Oui. Bah, la mitrailleuse, ah ouais, ça, c'est... la jambe mitrailleuse, quoi. C'est juste énorme. C'est quoi. Complètement con. Mais, mais ça marche, hein. Puis là aussi, justement, les plans qui accentuent le mouvement. Quoi. C'est ça. Mais là, on a un petit peu dévié du sujet principal. Ouais, on n'est plus du tout dans le nanar, là. Ouais, donc, réorientons. Rodriguez y touche, quand même. Hein. Je sais qu'on on est un podcast spécialisé dans le cinéma et dans la digression, mais... C'est du semi-nanar moderne. Ça va être le sous-titre. Bah, cinéma et digression. Ceci dit, moi, pour moi, un studio qui va faire bien ce que Rodriguez fait mal... à savoir jongler avec les codes du nanar et faire des films qui parfois sont mauvais mais qui parfois sont intéressants. Ah. Et je pense que Necro, tu auras des trucs à dire aussi. Il est temps d'aller au pays du soleil levant. Voilà, c'est le studio Sushi Typhoon. Donc c'est un studio de cinéma en fait qui a été assez éphémère, qui était dirigé par deux réalisateurs principaux, enfin réalisateur, scénariste et souvent directeur des effets spéciaux. Yoshihiro Nishimura et Noburo Iguchi, et c'est le studio qui a réalisé des films comme Machine Girl, Robo Geisha, L Driver, Vampire Girl vs Frankenstein Girl, Tokyo Girl Police, L Driver, et notamment Tokyo Girl Police. J'aimerais bien que tu y reviennes un peu, Necro. Alors, c'est un film dont vous retrouverez, alors franchement. Faites pause et allez regarder l'intro de Tokyo Girl Police que vous pouvez trouver sur le net. Vous tapez Tokyo Girl Police, l'intro elle y est. Mais vous n'oubliez pas de revenir après pour et vous revenez sur l'émission du podcast. Donc de Yoshihiro Nishimura. Et mettez un pouce bleu aussi avant. Ce film. Et partagez. Voilà, voilà l'instant promo est fait. Et film... donnez de l'argent sur PayPal. Archiviste du cinéma sur YouTube. Du random, n'oubliez pas. Non, pas lui. Ce film, donc, est un feu d'artifice sanglant. C'est-à-dire, rien que la première scène, on compte pas les hectolitres de sang qui ont dû se retrouver sur le plateau pour la tournée. Et il y a des trucs absolument déjantés. Je veux dire qu'on a, par exemple, une nana quasiment en tenue d'écolière japonaise qui utilise un lance-roquette pour monter... en cuir. Qui utilise un lance-roquette pour monter tout en haut d'un immeuble pour buter quelqu'un qui s'est fait arracher le bras, qui a fait une tronçonneuse à la place. Ouais, c'est extraordinaire. Voilà, c'est tout. Et dedans, l'histoire, ce serait donc des personnes qu'on appelle les architectes qui sont capables de modeler leur propre corps pour les transformer en armes. C'est et qui sont cherchés. Quand ils se coupent ou quand on leur coupe un membre, ça se transforme en arme. Et du coup, ça donne plein de possibilités parce qu'on peut retirer n'importe quelle partie du corps et en faire n'importe quoi. Et si vous pensez à une partie du corps spécifique, oui, ils y ont pensé aussi. Oui, tout a été fait. Les Japonais, ils pensent souvent à cette partie du corps-là. Je vais me le regarder ce soir, je pense. Ah. Mais ce qui est beau avec celui-là, c'est que il regorge d'idées. Les effets spéciaux sont pas crédibles une seule seconde, mais ils le savent et ils en jouent. Ils cherchent même pas à faire croire que leurs effets spéciaux sont crédibles, ils vont à fond dans le porte-nawak. Et puis ils le cachent pas. Ils le cachent pas. Ils les montrent les effets spéciaux. Et surtout, mais au-delà de ça, c'est bien réalisé et il y a un vrai message derrière, je trouve, ouais. Sur le traitement des mutants, justement, sur le pouvoir de la police. Et il y a des effets spéciaux qui, malgré tout, étaient cool à l'époque. Je veux dire, par exemple, la femme crocodile. Oui. La femme crocodile, elle est cool. Elle est pas nanardesse dégueulasse. Non, elle est cool. Je vois le truc, je dis, oh putain. Bah, la mort de la meilleure amie de l'héroïne aussi, oui. Est très bien faite. Et du coup, bah, c'est un film qui regorge de bons moments bien faits, et à côté de ça, de contenu nanardesque où tu te dis qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Tant pis, ils ont assumé. Mais, ils sont... Et donc justement, j'aimerais bien votre affrontement, parce que je sais que Necro, tu le considères comme un nanar, je sais que Issam, tu ne le considères pas vraiment comme un nanar. Pour moi, c'est pas un nanar, parce que... Pour toi, du coup, ça serait plutôt un bon film. C'est un bon film qui va exploiter des codes du nanar, qui va profiter de certains codes du nanar, mais pour moi, c'est un bon film qui arrive à faire passer un message qui est divertissant au premier degré. Quand il est drôle, c'est qu'il veut l'être. Il n'y a aucun moment où j'ai ri du film pour d'autres raisons que parce qu'il était réellement drôle. C'est, je ne considère pas qu'il a les particularités d'un nanar, du coup. Alors là, ça va être un peu spécial, parce que là, je parlais des nanars volontaires la dernière fois, tout à l'heure, en disant, mais non, ça n'existe pas. Et là, j'ai l'impression que c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Genre, on n'a pas les moyens, on n'a pas le budget, on n'a pas l'équipe, on ne peut pas le faire, donc on va le faire quand même. Ça va être pourri, mais on va l'assumer tellement bien que ça va passer. Et il y a des trucs comme ça, où des scènes où je me dis, bah ouais, ils ont été obligés, quoi, les mecs. Et ça a été fait avec Maestria. C'est en fait, ils ont utilisé les limites techniques qu'ils avaient. Ils les ont utilisées finalement pour se créer un style visuel, un style artistique. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on appelle encore ça un nanar? Étant donné qu'un nanar, je pense que c'est important qu'il n'y ait pas la confiance qu'on est en train de se foirer. Tout à fait. Là, ils ne sont pas en train de se foirer. Ils ont des limites, ils en sont conscients dès le début. Et ils réussissent à faire un bon film. Pour moi, le même studio, un film où ils sont en partie au moins foirés, ça va être Alien versus Ninja. Oui. Là, il y a des passages où il y a des moments où ils ont conscience à peu près de ce qu'ils font, mais il y a des moments où non. Clairement, ils ont totalement perdu le fil et ils se foirent réellement. Ou Alien Covenant. C'est pas le même studio. Oh putain! Oh le con! Ridley, si tu nous écoutes. J'étais obligé de la placer, désolé. Oh là là. Mais il est très bien. Alors attends. Alien 5 est très très bien. C'est juste que Alien 5 en fait s'appelle Life. Voilà, c'est tout. Voilà. En fait, la licence a changé de nom en fait. Il fallait juste nous le dire. Donc voilà, pour moi, c'est un studio qui a fait les nanars. Même Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Ouais. Ça serait plus dans le nanar. Ouais. Voire dans le navet. Parce qu'il y a voir dans le navet. Que je trouve limite. Il y a des passages très très longs. Ouais. Il y a des passages un petit peu dégueux. Mais dégueux dans le mauvais sens du terme en fait. Pour le coup, celui-là, il est dans les trois styles à la fois. C'est un navet, un nanar, et parfois c'est un bon film. C'est dégueulasse. Oui, parce que je regarde le trailer de Tokyo Gore Police en même temps. Et... Le trailer qui dure longtemps, parce que ça fait un moment que t'es sur ton téléphone. 5 minutes du trailer. Ah, ouais. Ah oui, c'est bien. T'as... Et on voit bien l'ambiance, et en effet, ça a l'air très... J'ai une petite anecdote sur Tokyo Gore Police et Internet. C'est le film est parsemé de fausses pubs, qui sont géniales. Et pareil, il y a toute une critique des médias qui passe à travers ça. Et il y a une des fausses pubs de Tokyo Gore Police qui a été diffusée dans un épisode de What's the Cut. Antoine Daniel, si tu nous écoutes. Eh oui. Mais Antoine Daniel ne savait probablement pas que c'était une fausse pub. Et c'est elle avec les rasoirs, en fait, des étudiantes qui se taillent les veines avec des rasoirs dans une fausse pub pour rasoirs, sauf qu'Antoine Daniel l'a traité comme si c'était une vraie pub qui avait été diffusée au premier degré à la télévision japonaise. Du coup, ça va beaucoup. Et moi, j'y ai cru jusqu'au jour où j'ai vu Tokyo Gore Police. Que... Mais ça vient de là. Donc voilà, Antoine Daniel, si tu nous écoutes, partage la vidéo. Partage notre émission. Partage. Pouce bleu et le PayPal. Et abonne-toi. Et on t'envoie le PayPal. De Durandal. Non, le nôtre. On n'en a pas encore, mais le nôtre. Le jour où cette émission deviendra beaucoup trop sérieuse pour avoir un Patreon. Et du même réal, si t'as aimé Tokyo Gore Police, je te conseille Hell Driver, qui se passe dans un monde où il y a eu une apocalypse zombie. Et c'est à peu près le même délire. C'est-à-dire, ils assument complètement leur manque de budget et c'est super bien fait. Et il y a un vrai message derrière, parce que cette fois-ci, en fait, pour contenir les zombies, ils construisent un gros mur à la moitié du Japon. Peut-être évoquer 2-3 trucs. Ouais, effectivement. Et le message poétique est vraiment, vraiment bien géré dedans. Est-ce qu'il y a une écolière qui bute des zombies avec une tronçonneuse? C'est pas une écolière, mais je crois que c'est la même héroïne que dans Tokyo Gore Police. Ok, c'est valide. J'ai peur c'est de dire une connerie. Si c'est ça, ça mais passe. Je crois que c'est si c'est ça, ça passe. Il faut vraiment que tu lises Bloody Anaconda Girl, Shinso. Il le faut. Mais on n'est pas. Et j'essaie de trouver l'adaptation, enfin des sous-titres, pour on voir l'adaptation. On n'est pas dans l'émission manga, mais. Dans Bloody Danakan Girl Chainsaw, tu as un lance-roquette vagin. Voilà. Ouais, un vagin lance-roquette. Un vagin lance-roquette. Oui, parce que ouais, un lance-roquette vagin. Oui, parce que si. L'inverse est quand même inapproprié. Bah, peut-être dans le tome 15. On appelle ça un sextoy, hein. Ça existe, hein. Peut-être dans le tome 15, on ne sait pas encore. Donc voilà, le studio Sushi Typhoon, qu'on recommande tous, je crois. Du coup, qui eux font les choses bien. Et si on abordait maintenant plutôt le cas d'un studio qui fait les choses mal, un certain Asylum, par exemple, qui au début a commencé par contre avec du vrai nanar pour le coup, qui au fur et à mesure s'est quand même orienté vers une surproduction du nanar volontaire pour rapporter de l'argent. C'est ça, bah, au début c'était des spécialistes du mockbuster. Voilà, bah, c'est notamment eux le fameux Transmorpher. C'est studio Atlantic Crime aussi, je crois. Atlantic Crime aussi, effectivement. Mais sinon, mis à part ça, ils ont fait. Ils ont fait un assez fabuleux aussi mockbuster de Sherlock Holmes que je vous recommande. Dedans, Sherlock Holmes s'appelle Robert et il combat des robots dinosaures, voilà. Mais mis à part ça, ils ont aussi fait des films originaux. Giant Octopus versus Crocosaurus, par exemple. C'est original, c'est le terme adapté. Ça reprend quoi de Sherlock Holmes si c'est un mec qui se bat contre... Mais en fait, c'est juste pour surfer sur la vague du... De l'analyse poussée par un seul homme. Non, du film de Guy Ritchie. Et le personnage s'appelle Sherlock Holmes et il y a Watson dedans. C'est juste qu'à un moment, on nous sort, ouais, son vrai nom c'est Robert. Mais ça n'a aucune raison d'être. Tu sais le film avec Tony Stark? Ouais, bien sûr. Mais question con, c'est pas eux qui avaient fait Toxic Avenger? Toxic Avenger, c'est. Comment il s'appelle celui-là? C'est le studio Trauma, je crois. Trauma, voilà. Trauma, oui, d'ailleurs, qui a la tête d'un des. Justement, du personnage du monstre. Grand logo. Gros producteur de nanar aussi. Gros producteur de nanar et de véritables films d'horreur, pour le coup. Ouais. Mais beaucoup, eux, dans les années 80-90. Je crois qu'ils ont réussi même à faire des nanars qui te mettent mal à l'aise. Donc du coup, qui réussissent leur but premier. C'est beau. Ils sont jokers. Il me semble que c'est eux qui ont fait un film qui s'appelle Street Trash. L'histoire d'une bande de clodos qui trouve une espèce de boisson chelou qui, quand tu la bois, tu te mets à fondre. Mais littéralement à fondre, tu ressembles à une bouillie dégueulasse sur le sol. Et ça transforme aussi certaines personnes en espèces de zombies bizarres. Et dedans, il y a une superbe scène de football américain où la balle est remplacée par une bite. Voilà. À bon entendeur, Street Trash. Est-ce que c'est pas un peu petit pour une balle? C'est peut-être une grosse bite. Mais voilà, Street Trash, l'affiche du film... Tu vas faire du bruit dans le micro. L'affiche du film, c'est les deux jambes. Ces deux jambes, en fait, voilà, qui ont été coupées et tu vois les os qui dépassent et c'est dégueu. Magnifique. Street Trash, c'est sorti en DVD en France. C'est extraordinaire. C'est Mad Movies qui a édité ça, ouais. Non, même pas. Je sais plus qui avait sorti ça. Je l'ai chez moi, mais je sais plus qui avait sorti ça. Faudrait que je vérifie. Donc Asylum. On en était à... Donc Asylum et surtout cette mode de créer du nanar pour faire de l'argent déjà et surtout pour surfer sur le phénomène de mode qui commence à revenir. On l'a dit que la production était creuse durant les années 90, 2000, 2010. Là, elle revient, mais elle revient de manière volontaire, en fait. Avec des succès, parce que c'est quand même des succès, les Sharknado, en tête de liste. Il y avait un final, truc, c'est je pas crois... du vrai nanar, quoi. Au final, je considère plus ça comme du mauvais film, personnellement. Il y avait Piranaconda, des trucs... Enfin, il y a des trucs vraiment dégueux qui ont été faits, et volontaires, ouais, ça c'est... Ils savent que, voilà, grosse bestiole, avec des moyens dégueux et des acteurs aux fraises, ça passe, et que les gens iront le voir... Ils font des fausses suites aussi. Il me semble que c'est Asylum qui a fait Titanic 2. Oui, Titanic 2, ouais. Mais en fait, qui n'est pas une suite de Titanic. C'est juste que dans le film Titanic 2, le bateau s'appelle Titanic 2. D'accord. Ouais, c'est juste qu'ils ont refait un Titanic, ils repartent et ça repart en couille. Voilà, avec un autre iceberg. Ah, tu l'as vu ? Non, mais j'en ai entendu parler. Et apparemment, ça repart en couille quasiment de la même façon. Ah, bah, un iceberg, voilà. Dans un épisode de Doctor Who aussi, il y a un vaisseau qui s'appelle le Titanic. Mais là, un iceberg fait en numérique. Donc, très dégueulasse. Mais plaisant quand même à regarder. Mais oui, c'est vrai que c'est un épisode qui n'a pas de... C'est plus sombre des épisodes de Noël. Oui, c'est vrai que c'est un épisode de Noël, ça. Oui, il est tellement trash pour un épisode de Noël. Ouais. Enfin bref, on digresse. Oui. Bref. Oh là là, je pense qu'il est temps de s'arrêter sur le sujet du nanar. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, oui, là on a bien... Est-ce que vous voulez terminer par un tour de table avec les premiers nanars Ah, ça, ce serait sympa, ça. Qui veut ouvrir? Bon, je peux ouvrir si vous voulez. Avec les Rivières Pourbes 2. On va pouvoir en parler tous les deux, Nécro, parce que toi aussi, tu l'apprécies beaucoup. Les Rivières Pourbes 2, ce film magnifique où on peut voir des moines. Non, on va en reparler en détail. Non, mais c'est quand même l'une des scènes majeures du film, bien sûr, on va en parler tout de suite. La fameuse scène des moines Yamakasi qui font les ninjas dans un centre commercial. Ah, oui, les moines ninjas dans un centre commercial dont on voit pas le visage et qui sont drogués de façon à être plus forts. Voilà. C'est rien que ça. Qui font des cabrioles dans tous les sens. Avec Jean Reno. Voilà, et alors là, à partir de là, c'est gagné. Le film, il a gagné. C'est ça. Je me souviens même pas du 2, purée. Bah, déjà, le premier, c'est pas un bon film. Bah, c'est pas un nanar, mais c'est pas un bon nanar, le premier. C'est alors que... Déjà, c'est Lucas Ovitz, ça commence mal. Mais le deuxième, il est. Oui, il est... pour moi, j'ai trouvé juste sympathique. C'est un bon moment. Tu passes un bon moment. Tu rigoles devant le deuxième. Tu l'as pas vu? Non. Ah, mais regarde, on est vraiment que deux à l'avoir vu. Ah, moi, je m'en souviens pas. Donc il y a Christopher Lee. Et puis, il y a Christopher Lee qui fait une petite apparition. Il y a, il y a Christopher fucking Lee. Dans le rôle d'un nazi. Le regretté Christopher Lee. Il y a même, je veux dire, il y a des passages absolument géniaux. Il y a des punchlines qui sont magnifiques dans ce film-là. Notamment Jean Reno qui dit à un moine à qui il file un faux objet en savon. Et là, le moine se rend compte que c'est un faux. Normalement, c'était quelque chose qui était censé être une relique. Et là, Jean Reno qui dit « 2000 ans que vous vendez des breloques qui n'ont jamais sauvé personne. Maintenant, vous savez ce que ça fait. » Et là... tu la sens, la critique de la religion? C'est juste en une phrase. C'est « Ok, vas-y. Voilà. » Il y a cette scène extraordinaire où à un moment, ils sont en train de visiter des espèces de bunkers nazis. Et où tout d'un coup... Sans raison, tu sais pas pourquoi, il s'approche et t'as une espèce de sulfateuse qui sort du sol, une espèce de sulfateuse automatique qui commence à canarder à tout va. Et tu te dis, mais personne n'a jamais remarqué qu'il y avait une sulfateuse automatique qui sortait dès que tu t'approches de tout le bunker. Genre, il n'y a pas des enfants qui jouent ici le soir, des fois. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde? 400 disparitions d'enfants la dernière année. Donc, on compile quand même au niveau du moine. Hein. Le moine, c'est un personnage important. Donc, c'est un moine drogué ninja contrôlé par les nazis. Voilà. On est d'accord, hein. C'est ça. Et voilà, c'est l'ennemi de base. On fera un petit aparté quand vous aurez fini là-dessus sur le nazi dans le nanar, quand même. Ah, il revient tout le temps. Ouais, d'ailleurs, je conseille aussi de regarder au moins une fois Iron Skies, où il y a du nazi. Le film n'est pas super bon, mais il y a du nazi. Pour moi, c'est plus un mauvais film qu'un nanar. Iron ouais, Sky. Mais c'est un mauvais film à voir. Ouais. C'est délicat. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves face à un très mauvais film, et à côté de ça, tu te dis, ouais, il faut le voir au moins une fois. Bah pour le concept des nazis qui ont une base secrète sur la face cachée de la lune, quoi. Ouais. Et le ça, c'est extraordinaire. Et le design de certains vaisseaux est vraiment sympa. C'est ça. Ouais, c'est vrai que les nazis, ouais, ils reviennent souvent au final dans les nanas. Ouais, complètement. Ouais. C'est le méchant de référence du ouais. nanar. Il y a aussi le zombie nazi. Zombie nazi, ouais. Ouais. Mais ouais, les rivières pauvres 2, extraordinaire. Ouais. C'est alors, dans le genre nanar avec un. Enfin. C'est à peu près un nazi, je suis pas sûr. Y a Devil Story, Il était une fois le diable, de Bernard Launoy. Alors Bernard Launoy, il a réalisé du porno et Touche pas à mon bignou, un film avec Sim. Qui pourrait être un film de porno, un titre de porno. Non, il y a Sim dedans. Non mais Touche pas à mon bignou, ça pourrait faire titre porno. Ouais, alors, ça fait mauvais porno. Ça, je pense que c'est tout à fait volontaire. Touche pas à mon bignou. Et Devil Story, donc en gros c'est un couple... qui arrive, enfin, ça commence par un mec défiguré, genre Elephant Man, qui tue les gens en forêt, et qui les tue tellement bien et avec des effets gore que, en fait, à un moment, il tue quelqu'un, t'as un plan sur le cadavre qui dure 30 bonnes secondes avec du sang qui gicle, il va tuer une autre personne, il revient chercher le premier, il y a toujours le sang qui gicle, alors qu'il y a un quart d'heure qui a dû passer, donc il les tue pas qu'à moitié. Ensuite, ça passe sur un couple qui rencontre un chat noir et dont du coup la voiture tombe en panne, qui passe la nuit dans un hôtel avec deux vieux et la musique toccata et fugue en ré mineur de Bach à l'arrière, pour avoir tous les clichés d'un coup. Et pendant la nuit, y a le cheval du diable qui passe et il y a le vieux qui part à la chasse au cheval du diable, voilà. Et donc, pendant toute la nuit, il est avec son fusil, mais qui doit pouvoir tirer 2 balles, mais il tire des milliers de balles pendant la nuit, en fait. C'est très, très drôle. Surtout qu'il n'y a jamais le cheval et le vieux sur le même plan. Donc, un nombre de fois encore incalculable. Et pendant la nuit, la fille se fait poursuivre par le Elephant Man nazi, qui est contrôlé par sa mère, qui lui demande d'enterrer la fille, qui ressemble à sa sœur décédée il y a peu, visiblement. Pendant ce temps, il y a un bateau échoué depuis 100 ou 200 ans à cause de 5 frères brigands qui se réveillent. Ah. Et il y a une momie qui sort du bateau. Est-ce que tu veux des Doliprane? Et la momie recherche sa fiancée. Et apparemment, la fiancée de la momie, c'est la sœur décédée du Elephant Man nazi. Et à partir de là, j'ai plus compris. Bingo! Eh mais voilà. Déjà, t'as réussi à comprendre tout ça. C'est John. Ouais, j'ai plus simple. Hein, et c'est assez mythique. Dans les films avec des zombies nazis, t'as ceux qui sortent de la neige, là, que je me souviens c'est plus quoi. Ah, quoi Snow Dead. Dead Snow. Un film norvégien. Et c'est des zombies nazis qui sortent de la... qui étaient sous la neige, qui ressortent de c'est la ça, neige. En tenue nazie. En tenue nazie, avec des armes fonctionnelles. Ouais. et qui veulent récupérer l'or des nazis. Il y a une magnifique scène où le zombie sort de la terre et chope la bite d'un gars. Voilà. Beaucoup de scènes de bite dans cet épisode-là. Ouais, c'est aussi un élément récurrent. C'est parce que ça fait... Il lui mord à la bite direct. Hop là, tiens. Comme dans Piranha 3D. Voilà. Comme une Piranha 3D. Mais il y a beaucoup... Finalement, je me rends compte que dans beaucoup de nanars horreur, il y a toujours des personnages qu'on a envie de voir se faire buter parce qu'ils sont tellement insupportables que tu te dis non mais crève en premier. C'est ça. La blonde écervelée, ce genre de personnage. C'est un point commun que nanar a avec les mauvais films en fait. Ah, c'est une technique facile de film d'horreur en fait. On rend les personnages désagréables pour que le spectateur soit pas trop triste à leur mort. C'est juste que le nanar le gère super mal. C'est ça. Alors que maintenant on revient sur l'inverse, c'est on rend le personnage sympathique comme ça, la mort nous marque plus. C'est une autre technique, c'est une autre approche et que je trouve beaucoup plus sympathique parce qu'elle est finalement plus difficile. Quoi. On a une vraie implication. Ouais. Mais je veux dire, faire crever un personnage assez tôt dans le film, mais en même temps réussir à le rendre sympathique et attachant, c'est délicat. Quoi. C'est déjà plus de travail. Ouais. Donc ça demande plus d'écriture, plus de travail, plus de jeu d'acteur. Issam, un premier nanar. Alors moi, c'est pas forcément le meilleur du monde, parce que le premier nanar que j'ai vu, c'est Cinéman de Yann Moix. Voilà, donc à l'époque, je ne savais pas exactement qui était Yann Moix. Pour moi, c'est juste le réalisateur de Podium, et je trouve que Podium est plutôt un film sympa. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table. Pourquoi tu me regardes? T'aimes pas? Non, voilà, pas du tout. Moi, je trouve ça très sympa, Podium. Cinéman... Mon voisin de table est du même avis que moi, apparemment. Mais non, mais moi, c'était goût. Hein, voisin de table qui n'aime pas Gravity, je n'écouterai pas son avis. Ah, c'est vrai, j'avais c'est oublié pas, c'est détail, non, là. Non, c'est pas que je n'aime pas, mais si monsieur, tu veux qu'on en discute... Vous n'êtes plus invité à ce podcast. Non, mais bon, on va pas en parler maintenant. Donc, Cinéman, l'histoire, c'est un mec interprété par Franck Dubosc qui, je ne sais plus comment, se retrouve à pouvoir voyager à travers les films. Et donc, il joue mal dans ce film, du coup, vu que tu disais que c'était que dans Boulet Bill. Ouais, il est très mauvais dans celui-là. Il va chercher la femme dont il est tombé amoureux. Enfin, l'intrigue est nulle. Ça se veut comme un hommage au cinéma, mais en fait, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est Franck Dubosc. Gros point noir. Le deuxième, c'est qu'il ne va jamais au bout du truc. En fait, quand il reprend l'esthétique d'un film, il n'y va jamais à fond. C'est jamais fait vraiment consciencieusement, je trouve. Ça reprend quelques grosses ficelles. Ça va jamais en profondeur, ça va jamais jusqu'à reprendre des plans ou des trucs de l'original. Donc finalement, le travail est jamais bien poussé, donc l'hommage foire complètement. Le travail d'hommage n'est pas vraiment présent. C'est ça. Troisième gros défaut, les gags, les quelques rares gags qui auraient pu être drôles sont appuyés à un point incalculable, mais c'est au point qu'ils rajoutent des faux rires et des bruitages des fois. C'est genre des bruitages de cartoon pour te faire comprendre que c'est censé être drôle. Merde. Ouais, quand même. C'est insupportable. Et dernier défaut, dont on n'a pas parlé, alors que c'est un facteur nanar assez récurrent, en fait, ils avaient dû se rendre compte que leur film était nul au montage, et donc ils ont décidé de réécrire les dialogues pour essayer de rendre ça plus drôle. Spoiler, c'est raté. Mais du coup, ils ont dû post-synchroniser tout le film, et ça se voit. Mais ça se voit à un point inimaginable. Les mouvements des lèvres ne correspondent quasiment jamais à ce que disent les personnages. Et tout ça, ça fait la qualité nanar relative du machin. Un film que tu conseilles, du coup, en tant que nanar. C'est ça. Et globalement, oui, un truc à spécifier au nanar, quand vous êtes face à un nanar étranger et qu'une VF existe, trouvez la VF dans l'ensemble, ça en rajoute encore une couche. Toujours, ouais, ça en rajoute énormément. Notamment sur les accents. Les bons accents racistes. Les bons accents racistes. Oui, parce qu'ils traduisaient, enfin là, ils transposaient aussi les nationalités à l'époque. Les traductions françaises, ouais, veulent toujours... Le mec était allemand, c'était marqué une fois qu'il était allemand, c'est bon. Il avait un accent dégueulasse allemand en tout le coupé au couteau. Il était russe, pareil, il était japonais, pareil, il était noir. Alors là, c'était du Michel Leeb. Et ça continue encore même à la télé. Hein, ah oui, non, mais c'était vraiment violent à l'époque. Moi, c'était Tokyo Gore Police, donc on peut passer directement. D'accord. Alexandre. Un premier nanar Moi, ça va être un peu difficile de conseiller des nanars vu que j'ai pas une aussi grosse culture que vous trois, mais je vais me mettre à la place de justement quelqu'un qui voudrait s'y mettre. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, la grosse référence, si on veut commencer à regarder des nanars, ce serait d'aller sur le site Nanarland. Du coup, c'est une mine d'or. Oui, ça, on peut le dire, oui. Mais vraiment une mine d'or, il y a beaucoup d'avis, il y a beaucoup de recommandations, c'est franchement, il y a de quoi faire. Le pire n'est jamais décevant. Tout d'ailleurs, petit aparté, ils ont fait deux livres, Nanarland, qui sont vachement bien et qui apportent des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on peut trouver sur le site. C'est des très beaux objets, donc je les recommande. C'est... Ouais, puis en plus, j'imagine que ça peut aider aussi l'équipe du site à... Je pense. À perdurer leur travail. Ouais. Et petite précision aussi, pour chaque film sur Nanarland, il y a souvent sur le forum un topic. Avec plein d'extraits. Ou deux, ou trois, où les gens vont réussir à se battre pour le fait de valider un nanar ou pas. Il y en a qui sont vraiment dans les passions les plus extrêmes en disant « Mais non, mais si, c'est un nanar, regardez là, là. !» Et l'autre qui dit « Ah non, c'est juste un film de merde. » et les débats sont des fois superbes. Mm. Des fois, c'est le débat qui te donne envie de voir le film. Et donc, il y a eu le débat sur Mission Impossible 2, entre autres. Oui, qui juste l'un des films à faux raccords absolument géniaux. Nanar, et Indépendance Day, est-ce que c'est un nanar? Moi, il me fait pas rire, en tout cas. Mm. Je comprendrais qu'il fasse rire. J'ai un petit côté affectif quand même pour Indépendance Day, donc, mais c'est parce que j'ai dû le voir au bon moment, à un moment où j'étais réceptif, et du coup j'ai trouvé le film un peu comme un anon, fun. Ouais. D'accord, pour moi, mauvais film. Voilà. Je crois qu'il est chroniqué hein, sur les... Mais le chien est vivant. Ah ouais, ouais. Le chien est vivant à la fin. Et toi, Indépendance Day, Issam? Non, moi il me fait pas rire. Hein. Mais Nanar, mauvais film. Film, mauvais film. Ouais. Et donc, ouais, voilà, donc Nanarland, c'est un bon point d'entrée. Ne pas hésiter surtout à chercher les films sur le net, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui sont libres de droit, notamment les films d'Edwood qui sont totalement free, quoi. Ouais, ce serait con qu'elle irait 2 mois pour trouver une édition DVD ouais. D'un ouais, truc. Ouais, faut pas s'emmerder à chercher. Sur l'intégrale sur YouTube. Voilà. Après, faut pas hésiter à les acheter évidemment si ça vous a plu, mais en général, ouais, c'est dispo sur YouTube, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, je voulais revenir sur le début quand on disait que Nanar, c'est personnel. Voilà, c'est vraiment une expérience. C'est chacun qui se fait son avis. Et c'est pas forcément. Faut pas forcément se fier aux avis de tout le monde. Faut vraiment se faire son propre visionnage pour avoir l'avis ouais. Sur un film, quoi. Par exemple, moi, il y a des films de Jackie Chan que je considère comme des nanars. Parce qu'il y en a plein qui les trouvent mauvais. Et moi, je les adore. Je suis là, mais. Les premiers. Je sais plus, il y en a par exemple un où il fait la danse de l'ivresse et que je trouve génial. Mais c'est Combat de Maître. Je ouais. Le trouve génial ouais, ce c'est film. C'est un nanar. Non. C'est un bon film. Oui, c'est mais un bon y film. En a qui. Ah bah, je suis tombé sur plein de personnes qui l'aimaient pas. Du coup, je me suis mis à me questionner sur mon jugement. Donne-nous les noms. Donne-nous les noms. On va aller les abattre. Ah oui. Donne-nous les noms. Si c'est du Randall. Écoute, tu nous donnes leurs adresses et on les amène au bunker nazi qui a une sulfateuse automatique. On a oublié de parler de Street Fighter, dont on va parler Karim Debbache, celui-là, franchement. Celui avec Jean-Claude Van Damme ou... L'autre. Ce Jean-Claude Van Damme est un bon capitaine. Parce qu'il y a des acteurs nanars, pour le coup. Oui. Et Jean-Claude Van Damme en fait partie. C'est lui, quand il est dans un mauvais film, ensemble, sa seule présence big le transforme up, en nanar. Big up à ce voilà, big up à cet acteur-là. Voilà, on t'aime, Jean-Claude. C'est un faiseur de miracles. Et... Chuck Norris a le même phénomène. Et bravo oui. D'ailleurs pour leur prestation à tous les deux, du coup, dans Expandable 2. J'aime l'eau. Il y a les deux, voilà. Il y a Chuck Norris et Van Damme. Qui ne sont pas des nanars, pour le coup. Pour moi, qui ne sont pas des nanars, les Expandables. Ah non. C'est... Ils ont réussi à faire un très bon film en faisant les Black Nanars. C'est action, hein. Ça, c'est beau. Et alors, le fait qu'on ait parlé un peu de Jackie Chan, et donc du fait que certains considèrent visiblement Drunken Master... Ouais. J'en reviens pas comme un nanar. Et là, je me suis... Ça me fait songer à un truc, c'est... qu'il y a un facteur culturel dans le nanar, il y a un facteur écart culturel. Il y a des films, notamment les nanars turcs ou les nanars bollywoodiens, qui nous font marrer. Ouais, je voulais en parler après. Mais là-bas, c'est des films réellement pris au sérieux et qui parfois sont considérés comme d'authentiques bons films. Pareil avec les comédies françaises des années 70. En soi, il y en a qui ont eu un succès fou à l'époque et qui étaient considérés oui. Comme des bons trucs. Arrête de ramer, t'attaques la falaise, je crois que ça avait marché à l'époque. Oui. Il y a aussi les références période Edo, notamment le théâtre Kabuki, oui. Qui, effectivement, nous, quand on n'est pas préparé, nous ferait juste rire, alors que chez eux, non, c'est institutionnel. C'est sacré. C'est... Et ils commencent à en jouer. Je veux dire, ne serait-ce que... Dans Vampire Girl versus Frankenstein Girl, le personnage du professeur qui s'habille en kabuki. Dans Robo Geisha, il y a ça aussi. Alors, Robo Geisha qui contient une superbe scène, duel de sabre dans le... Voilà. Cul. C'est ça. Voilà. J'ai trouvé le bon. Maintenant, il commence à rire de cet art-là. Et donc, du coup, bah, ça décomplexe et ça nous rapproche un peu plus d'eux. Parce que, voilà, du coup, vu que nous, on n'est pas prêts non plus pour ce genre de choses, bah, ça nous fait rire et puis ça passe. Quoi. Oui. Mais il y a vraiment un changement générationnel hein, en Asie. Mais je trouve que ça pose une question éthique, en fait, ça. Mmh. Parce que jusqu'à quel point est-ce qu'il faut faire un effort pour s'imprégner de la culture du pays qui a fait le film. Enfin, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut considérer comme un nanar un film qui est juste pour nous ridicule à cause d'un écart culturel. Ouais. Parce que pareil, une fois il y a quelqu'un qui me disait que Le Secret des Poignards Volants était un nanar. Un peu de mal quand même. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui finalement on travaille avec ce qu'on sait, on travaille ça avec ce qu'on sait, avec notre vécu. Et du coup, notre vision des nanars peut évoluer au fil du temps. Mais finalement, voilà, si un film qu'on considère, par exemple, mauvais parce qu'on n'est pas raccord culturellement, mais qui nous plaît et donc devient pour nous un nanar, bah, ce nanar existe en nous. Quitte à ce qu'il ne disparaisse plus, quitte à ce qu'il disparaisse quelques années plus tard, parce qu'on apprend que finalement, ce qu'on pensait nanardesque était juste un écart ouais. culturel. Est-ce que ça ne serait pas un problème d'être un petit peu terre à terre pour la personne dont tu nous parles qui qualifierait les poignards volants d'un nanar, est-ce que pour lui ça serait pas ridicule de voir des combats C'est un problème de mentalité et de culture, c'est tout. Il y en a qui considèrent ça ridicule, les combats comme ça. Mais ben justement. Oui, voilà, moi je pense que c'est des mentalités qui sont pas les mêmes, ouais, c'est tout. C'est juste que du coup, il y aurait éventuellement, quelque part en Chine ou dans un pays asiatique, des mecs qui considéreraient le Seigneur des Anneaux comme un nanar. Parce que c'est pas du tout dans leur culture, ouais. la fantaisie oh, de ce sens-là. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Voilà, pareil, il y en a qui diraient, pas Tigre et Dragon, c'était de la merde déjà à l'époque quand c'est sorti, alors qu'il y en a d'autres qui diraient, non, mais il y a du combat aérien, il y a des trucs de fou. Il y en a bien qui disent que les Transformers c'est de la merde parce que c'est des robots, ou que je sais pas moi, que les non, Pacific Rim. C'est pas parce que c'est des robots que c'est de la merde. Ah, mais il y en a qui disent ça. Non, mais il y en a bien qui doivent dire ça. Par exemple, Pacific Rim, voilà, c'est des gens, ils se battent dans des jouets. Et là, c'est finalement, on arrive sur des soucis culturels qui sont même pas inhérents au pays. Après tout, les gardiens de la galaxie, c'est nul, il y a un raton laveur qui parle. Voilà, pour faire une petite tacle à quelqu'un qu'on aime bien dans cette émission. Et là, on mettra le lien de son PayPal. Quelqu'un qu'on évoque très souvent. Le souci, c'est que. Parce qu'il a dit ça oui. Le choc culturel. Quel con. Qui crée le nanar, le choc culturel qui crée le nanar. Ça fera quelqu'un de plus qui nous fera pas de pub. Voilà, merci les mecs. Des fois, ouais, c'est des soucis culturels qui sont liés, par exemple, à une génération. Des films qui, par exemple, étaient excellents pour nos parents vont nous sembler des nanars. Si on va les regarder en étant mort de rire, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. Parce que eux, c'est un humour qui les faisait rire à l'époque. Ça me fait chier, mais j'ai passé un bon moment devant La Boue. Non, mais tu vois, nos parents, peut-être qu'ils ont passé un bon moment parce que ça... à l'époque, c'était leur premier truc. Nous, on considère ça comme un honneur. J'ai passé un authentique bon moment devant La Boue. Et ça me fait chier de l'admettre. Mais déjà, j'adore la musique de Vladimir Kosma. Elle est ultra kitsch, mais je la trouve géniale. Au final, c'est la beauté du nanar, c'est que ça peut tout le temps changer en fait, selon les personnes, selon le temps. Voilà, c'est pour ça que transgénérationnel. Ouais, c'est personnel. C'est personnel. Ouais. Et du coup, si je devais suggérer un film, Plan 9 from Outer Space, c'était un bon film. Donc, à voir gratuitement. Voilà. J'ai trouvé une version colorisée, pas dégueu. Sous-titré VO, pas dégueu. Colorisation faite par Ed Wood. Hein. Bien évidemment. Avec ses crayons de couleur. Image par image. Post-mortem, il l'a fait. Avec les crayons de couleur de son fils. Messieurs, est-ce qu'on a fini avec le nanar? Ah, je pense, ouais. Peut-être bien. On a fait le tour cette fois-ci. On a fait le tour. Moi, il me semble qu'on a fait le tour. Oui, si, très rapidement, je vous conseille aussi les films d'Andy Sidaris et de Malibu Bay Film. Alors eux, leur concept, c'était, si vous voyez ce que c'est SAS, les bouquins, ouais. En gros des trucs d'espionnage en mettant du fion dans des pays exotiques. Avec les belles couvertures. Ouais. Eux, ils ont fait ça avec des films. Ils ont notamment réalisé Piège mortel à Hawaï. Dedans, il y a un serpent tueur. Il y a des espionnes qui sont à poil pendant quasiment tout le long du film. Il y a un mec qui se fait tuer par un frisbee. Et il y a des mecs qui... Il y a une scène où un assassin se déplace en skate. En planquant une mitraillette dans le cul d'une poupée gonflable et se fait atomiser par un lance-roquette qui servira plus tard pour le serpent. Extraordinaire. Merci pour ces dernières recommandations qui vont mettre du baume au cœur à nos auditeurs. On clôt le dossier. Ouais. Ouais. Ok. On clôt le dossier. On passe à la partie série de cette émission. Série, j'ai mettre assez le gosse. Toi aussi, tu ne vas bientôt plus faire partie de cette équipe. J'ai pas entendu, mais je veux pas écouter. Non, tu réécouteras la rediff. Tu réécouteras la rediff. Non, ça va aller. Je vais vous parler d'une série télé qui vient de commencer il n'y a pas très longtemps. On va rester un petit peu dans le domaine un petit peu nanar Greenhouse, parce qu'on va parler de Blood Drive. Blood Drive qui se passe non pas dans un futur dystopique, mais dans un passé dystopique, puisque ça se passe dans les années 90. Dans des années 90, où la majeure partie de la population est pauvre, où les distributeurs d'eau ont remplacé les distributeurs de billets. C'est une des particularités de la série, c'est que beaucoup d'éléments de décor servent à décrire son univers. Et on est dans un univers où des courses de la mort sont organisées dans des voitures qui ne carburent non pas à l'essence, mais au sang humain. Ah, mais ça fait penser au film de Satan. La course de la mort de l'an 2000. D'ailleurs, c'est un nanar, ça aussi, finalement. Qui, à la base, est un film des années 80 avec Carradine. La course de la mort. Il y en a deux en plus. Rien. Ils ont fait la course de la mort avec Carradine, qui jouait un mec défiguré. Et ils en ont fait une nouvelle version avec, avec Jason Statham. Ouais, ouais. D'accord. Il y en a deux, même, il y a deux films. Ah, il y en a deux, d'accord. Ouais, la suite, c'est un autre. D'accord. Ouais. Et donc voilà. Des voitures qui carburent au sang humain, c'est-à-dire on ouvre le moteur et c'est une mécanique faite en lame de rasoir de partout qui tournoie dans tous les sens. Qui, dès qu'on ouvre le moteur, alors comment dire, au niveau sonore, il y a un gros travail puisque dès que les moteurs sont ouverts, les bagnoles émettent des espèces de grognements métalliques. On dirait vraiment des bêtes en fait. Et bah, il suffit de balancer du sang ou de balancer un cadavre dans le moteur, la bagnole bouffe le cadavre et hop, on peut rouler avec. C'est extraordinaire. Donc c'est une série très très gore, forcément. Juste pour savoir, au niveau de l'avenir des voitures sur Terre, est-ce que ça marche, ce moteur? Mais en vrai... dans la série, le moteur fonctionne, mais c'est juste employé pour ces courses-là, en fait. Parce que ce sont des courses illégales. Dans le sang, ça m'étonnerait pas qu'il y ait moyen de bidouiller un truc. Peut-être qu'on aura des voitures dans 50 ans, encore. Et donc, ce sont des courses organisées de manière illégale pour rapporter un petit peu d'argent, forcément. Les personnages sont totalement fous dans cette série, surtout le créateur de cette fameuse course, en costume à plumes, chapeau haute forme, qui, dans sa première apparition, arrive avec en fond la Marseillaise. C'est extraordinaire. Non, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Ne rigolez pas. Alors, la série débute avec une course-poursuite, mais survitaminée. Vraiment tourné sous coke, la réalisation est dégueulasse dans cette course-poursuite. De toute façon, toutes les courses-poursuites sont réalisées avec le cul. Il n'y a pas d'autre mot, c'est réalisé avec le cul. Heureusement, il y en a très peu dans la série, donc au final, on s'en sort. Beaucoup de Lance Flair, c'est le fils spirituel de J.J. Abrams qui tourne les courses-poursuites. Il y a du Lance Flair partout. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Tu finis aveugle après la première course-poursuite, c'est phénoménal. On suit l'histoire d'un flic qui arrive au tout début d'une course qui va débuter, et qui se retrouve embarqué dans la course avec une nana avec laquelle il va devoir concourir. Pour faire simple, quand on commence la course, on vous implante une puce dans la tête. Si vous tentez de fuir, la puce explose. Si vous arrivez dernier à la dernière course, la puce explose. Si vous êtes en duo et que vous vous éloignez un petit peu trop de votre coéquipier, la puce explose. C'est sympa. Comme dans Battle Royale 2. Comme dans Battle Royale 2. Dans tous les films de survie, Course à la mort aussi, pareil. Ouais, c'est pas en reparler, au fond, la même chose. On suit des personnages extraordinaires tels que Ribbone et son chihuahua portant le doux nom de Caligula. Un chihuahua. Un chihuahua. Caligula, mon pote. Qui a survécu. Un chihuahua. Alors, comment il acquiert le chihuahua? À un moment, il y a une baston. Il y a un mec qui laisse son chihuahua dans la bagnole. Le mec se vénère parce que, mais connard, tu laisses ton chien dans la voiture sans laisser la fenêtre ouverte. Oh. Il défonce la gueule du gars et il adopte le chihuahua. Est-ce que c'est pas mignon? Trop mignon. Voilà. Avec des personnages tels que Fat Elvis, un gros monsieur qui fait un cosplay d'Elvis. Voilà, il finit mal, ce gros monsieur. Comme Elvis. Carburant. Ou encore Clone Dick. Je vais pas vous faire la traduction. Non. Voilà. Clone Dick. Fais-moi la traduction, je suis pas bilingue, tu sais. Mais si tu es bilingue. On est tous bilingues. Pour certains mots, on est tous bilingues. On est dans un univers, forcément, beaucoup de clichés, notamment le cliché de la grosse compagnie qui dirige le monde, la Hertz Company. Ah, c'est la Ward Company, mais... C'est la Ward Company, c'est la Evil Corp Company, voilà, pour faire un parallèle avec Mr. Robot. Ah, Mr. Robot. Ouais. Troisième saison d'ailleurs qui arrive. Avec la Evil Corp. Oui, je ne l'ai pas précisé, c'est une série diffusée sur Sci-Fi. Donc Sci-Fi, déjà, on peut se méfier. Ah. C'est du Sci-Fi. Parce qu'ils ont fait des, ils ont fait des trucs extraordinaires tels que Hunters ou Disparition, des sombres merdes. The 100, des trucs comme ça aussi. Non, The 100, c'est la CW. Ah, sérieux? C'est vrai? Ouais, c'est la CW. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas The 100, c'est... Non, mais laisse tomber, je trouverai pas le titre. Mais Sci-Fi a aussi fait des putains de chefs-d'œuvre tels que Stargate SG-1, ne l'oublions pas, ou encore Battlestar Galactica. Donc les mecs, ils sont capables du meilleur comme du pire, mais vraiment quoi. Du coup, ils avaient un peu le monopole à un moment sur le côté science-fiction. Sur le côté science-fiction et même hard science-fiction quoi. Falling Skies. C'est pas Sci-Fi ça ? Falling Skies, il me semble pas que ça soit Sci-Fi. Ah merde, putain. Je croyais que c'était Sci-Fi ça. Ça va être le fil rouge. Retrouver. Non, bah autant pour moi, excuse-moi. Et donc en fait, de tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, ça vend peut-être pas forcément du rêve, mais en fait, c'est juste génial. C'est une série qui ne se prend pas du tout au sérieux, justement. C'est pour ces... D'où le côté pas nanar et pas mauvaise série. C'est... Niveau ambiance, ce serait plutôt proche d'un, pour en revenir, Ash vs Evil Dead, du gros gore qui tâche, mais qui n'hésite pas à en rire, avec un univers totalement barjou. Donc comme je l'ai dit, beaucoup d'éléments de décor pour décrire l'univers. C'est simple, des grosses affiches de propagande. Quand on arrive au commissariat, on se retrouve avec une grosse affiche avec, en gros, « Nous tuons pour vous sauver ». Ok, ça... ça marque le coup. Mais ça, c'est pas la science-fiction, hein, c'est dans tous les commissariats américains. C'est ça. Bah, des fois, il y en a où il n'y a pas d'affiche. C'est les gens sont pas au courant. Avec, avec le commissaire en chef, la commissaire en chef qui passe avec un petit bocal rempli dedans et qui dit ouais. Bon, les gars, une fois que le bocal est rempli, je paye ma tournée, hein, donc n'hésitez pas à bien casser la gueule à tous ces connards qui sont dehors. C'est complètement génial. C'est pas prise de tête, c'est une série juste totalement fun. C'est Blood Drive, c'est à voir actuellement. Pour l'instant, il y a là, tu m'as donné 7 ou 8 épisodes de sortie. Et c'est vraiment totalement cool. Blood Drive, c'est ma recommandation actuelle pour les séries télé. Sauf pour les courses-poursuites qui sont nuls à chier. Mais ouais, heureusement, mais ça ne tourne pas sur ça. Rien que pour le concept. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est on suit donc ce duo un petit peu improbable qui en fait se déplace de point A en point B. Puisqu'en fait, tous les jours, on leur donne un parcours à réaliser. Ils le réalisent et donc, une fois arrivés au nouveau lieu, il se passe des trucs. Deuxième épisode, ils tombent sur un restaurant cannibale qui pratique le cannibalisme. Troisième épisode, ils tombent sur une secte qui vénère l'énergie. Voilà. L'énergie ? L'énergie. Qui est assiégée par des espèces de mutants qui avant étaient humains, mais qui sont devenus mutants parce qu'ils se sont mis à boire de l'essence. Et dont le sang sert de nitro aux bagnoles. Voilà, c'est totalement barjo. Blood Drive, c'est à voir actuellement. Mmh. En, appelant, envie, en appelant votre tonton d'Amérique pour avoir les cassettes. Ah oui, c'est pas là, c'est pas dispo. Ah non. Ah. Ah, c'est que du visionnage Tipiak. Bah, ah. Si c'est sur Sci-Fi, il y aurait moyen de l'avoir en différé, pas trop. Ah non, non, c'est vraiment. Ok. Ok. Je ne connais pas de moyen autre pour voir la série, malheureusement. Après, peut-être que Netflix ou autre. On va l'acquérir prochainement. Ou sinon, en passant par un VPN, en réussissant à se connecter sur un site payant américain, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. On va terminer ce premier épisode avec une recommandation. Donc chaque mois, un membre de l'équipe fera une recommandation. On va commencer par Issam, comme on l'avait fait pour l'émission Manga Comics. On commence par le meilleur, hein, faut donner envie aux gens de regarder. De continuer à nous suivre. Issam, qu'est-ce que tu vas nous recommander ? Je vais vous parler de Fish Story, réalisé par Yoshihiro Nakamura. Alors, Fish Story, ça se passe le jour qui est censé être celui de la fin du monde. Il y a une comète qui est censée tomber sur Terre dans quelques heures. Armageddon. Un nanar de Michael Bay. Pas faux. Pas faux. Donc les rues sont désertes parce que tout le monde en fait est monté sur les hauteurs en espérant que la comète tombera dans l'océan, provoquera des tsunamis et qu'en étant très en hauteur, il y en a qui pourront en réchapper. Mais on nous fait bien comprendre qu'en vrai, c'est désespéré. Et il y a un mec tout seul qui se rend compte, en passant devant un magasin de disques, qu'il y a le proprio du magasin et un client qui sont restés là, comme s'ils n'étaient pas au courant de la fin du monde. Et il entre, et le proprio, en fait, dit que lui, il est persuadé que son père lui a toujours dit que 5 héros viendraient sauver le monde un jour. Et il commence aussi à aborder une chanson qui s'appelle Fish Story par un obscur groupe punk appelé Gekining, et que cette chanson aiderait à sauver le monde. Et après, la suite du film, en fait, alterne entre les trois Gus dans leur truc de disque avec la comète qui approche, et des flashbacks qui nous donnent différentes anecdotes, différents petits récits sur cette chanson, Fish Story, qui est assez mystérieuse parce qu'elle a été enregistrée par un groupe qui a disparu juste après, et en fait, il y avait une section de la chanson qui plaisait pas aux producteurs, donc ils ont coupé une minute, il y a une minute de la chanson qui est blanche en fait, c'est un vide, c'est une minute de silence qui a provoqué tout un culte autour de la chanson, comme quoi ce serait une chanson maudite, et le film aborde tous ces thèmes là en donnant l'impression que rien n'a de rapport avec rien, mais peu à peu il y a un sens qui se reconstruit à tout ça, une véritable intrigue qui se met en place, et c'est un film qui est à la fois très drôle, très joyeux, au contraire de ce que pourrait donner au contraire de l'impression que donne le premier quart d'heure, en gros. C'est vraiment un feel-good movie, et je le recommande pour tout le message qu'il fait passer, en fait, sur le thème du hasard et sur le thème de la perpétuation de l'art avec cette chanson qui aurait dû être oubliée, mais qui, en fait, reste encore dans les mémoires, dans certaines mémoires, 40 ans plus tard. Et voilà, je le recommande pour ça, pour tous les... Il mélange plein de styles, il y a une séquence, on est dans du pur film d'horreur, après on passe dans du drame, il y a une séquence film de kung-fu, enfin c'est n'importe quoi, et c'est génial, il y a des ruptures de ton assez fabuleuses. Et c'est un truc que je constate régulièrement dans le cinéma japonais, au début on dirait que c'est une grosse blague, mais en fait c'est super sérieux et super profond comme film. Donc c'est ma recommandation de la semaine. Monsieur, voilà. Comme tu m'avais dit... Tu l'as regardé en t'attendant à voir de la grosse déconnade. Je m'attendais à voir une grosse déconnade. Je l'avais pris en fait parce que justement la tagline du film, une chanson punk peut-elle sauver le monde, me faisait rire. Et c'est vraiment le thème du film, mais en fait c'est pas une blague. Je peux pas trop en dévoiler sur la fin parce qu'il y a une mécanique qui se met en place et ce serait dommage de pas la découvrir par soi-même. Mais vraiment, grosse recommandation sur celui-là. D'accord. Et est-ce que, contrairement à Blood Drive, c'est facile à trouver ? Si vous maîtrisez l'anglais, c'est très simple de trouver le DVD sous-titré en anglais. En français, je pense que ça va être par des moyens illégaux, parce que à ma connaissance, il n'y a pas de DVD français. Un DVD, du coup, import UK ? Ouais, mais assez simple à trouver. D'accord. Et il n'y a pas le problème de changement de zone avec... Oui, parce qu'on est dans la même zone que... la zone 2. Donc, n'importe quel lecteur DVD français le lira. Le UK pour notre zone. Ouais, et voilà. Pays asiatiques aussi, il me semble. Pas tous, mais certains pays asiatiques, ouais. Je crois que le Japon, c'est la même zone que nous. Je crois et il me semble que c'est pareil pour le Blu-ray. Ouais. Je crois qu'on est dans la même zone. Pour le Blu-ray, il y a 3 zones. Là où le DVD, il y en a 6, il me semble. 5. DVD, ouais. Mais là, je me disais, même le Blu-ray, c'est... Normalement, le programme avec le Blu-ray, il aurait dû être réglé. Ça aurait dû être. Non, il y a toujours des zones. Complètement. Mais il y a toujours des zones avec le Blu-ray. Le souci, c'est que c'est parfaitement volontaire. Oui. Ah oui, justement. C'est affreux. Donc le problème ne sera jamais réglé. Il n'y a aucune raison. Bah, si la raison qu'ils avancent, elle est économique. Le problème commence à se régler dans le jeu vidéo. Mais c'est vrai que dans le cinéma, série télé, c'est encore persistant. Bah, la dématérialisation, justement, change beaucoup la donne. Parce que du coup, il n'y a plus de zones. Oui. Mais ils arrivent quand même à bloquer. C'est pour ça que tu es obligé de passer par un VPN pour débloquer. Voilà, justement. Même avec la démat, ils arrivent quand même à bloquer, quoi, les gars. Ils sont lents à réagir. C'est vrai qu'avec un bon VPN, tu as accès à tous les Netflix du monde et c'est bon, c'est la fête. Ouais, le Netflix, c'est pas si évident que ça, mais ouais. Bah, Netflix US, des fois, il y a des trucs. Ouais, t'as envie d'avoir et tu te dis, mais on n'a pas en France. On n'a pas. Et c'est con. Alors, faut un nanar série télé française. Enfin non, pour une mauvaise série télé française, Netflix US possède Julie Lescaut. Voilà, avis à qui veut. Mais il y a plein de séries françaises qui fonctionnent du tonnerre à l'étranger, même Plus belle la vie, ça s'exporte vachement. Hein, comme ça. Ah, Plus belle la vie, oui. Joséphine Ange Gardien. Je sais pas, faudrait vérifier. J'ai pas envie de savoir ce qu'ils font en Espagne parce que je me dis qu'ils ont quand même réussi à faire Juliette Je t'aime en série live. Donc j'ose même pas imaginer les séries qu'ils regardent, des fois. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le drama en mode nanar, mais je pense qu'il y a je pense qu'il y a moyen, juste en parlant du drama. Peut-être un sujet d'une autre émission. Voilà, le drama. Ouais, un sujet sur le drama et les adaptations de manga en général. Ça mérite une émission, ça. Effectivement, ça mérite une émission. Ouais, mais ça reviendra peut-être sur le problème de culture qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Nous, on le considère comme du nanar, mais eux, ils ne le considèrent pas comme tel. Alors, voilà. Économiquement, quand tu regardes la manière dont c'est produit, ces machins-là, objectivement parlant, c'est le système de production est un peu nul à chier. Et puis il y a des trucs qu'ils considèrent comme des nanars aussi sur place. Hein. Ils disent ah ouais, non, ils se marrent eux-mêmes. Hein. Ouais, non. À mon avis, le drama Sailor Moon. Voilà, celui-là. Le drama Jojo. Ou les. Non, Sailor Moon, au lieu de prendre des vrais chats, ils ont pris des peluches. Des peluches, s'il te plaît. Qui, des fois, sont animés en 3D. On ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, c'est. Ah, extraordinaire. Non, de la merde, c'est une peluche. Nous reparlerons du cinéma asiatique. Et même de la télévision asiatique dans une autre émission. Ouais. On en parle sinon sur la chaîne de l'archiviste du cinéma. Allez-y, par excellence. C'est exactement ce que j'allais dire. Il est temps de faire un petit tour de table. Donc, Issam, on te retrouve sur ta chaîne YouTube, l'archiviste du cinéma. Donc, spécialisé dans le cinéma asiatique. Voilà, c'est en gros tous les films ont un rapport plus ou moins lointain avec l'Asie. Ça peut être cinéma asiatique, cinéma qui parle de l'Asie, réalisateur asiatique autre part. Ou réalisateur influencé par le cinéma asiatique. Ce que tu as abordé déjà, Tarantino avec Kill Bill. Et Wasabi. Voilà. Pour rester dans le ton du nanar. C'est ça. Quoi qu'il me fait même pas rire, il m'énerve, Wasabi. Nécro, on pourra te retrouver, si tout va bien, prochainement. Sur ta chaîne, sur le Necronomicon. Et sinon, je suis assez actif Twitter, surtout, pour l'instant. Donc, @Necronomicon sur Twitter. Voilà, j'ai un onglet ouvert tout le temps. De toute façon, vous aurez toutes les indications juste en dessous du lecteur vidéo. Alex, où est-ce qu'on te retrouve? Ici, c'est ça? En ce moment, je suis beaucoup sur Battle.net, mais rien à voir avec le cinéma. Mais c'est pas grave, hein, si tu veux faire ta pub, si tu veux dire, si tu veux inviter les gens à venir t'affronter sur Overwatch, vas-y. Hein. Ouais, si vous voulez venir jouer sur Overwatch, venez, on va farmer les coffres, là, il y a l'événement d'été, donc allez-y, si ça vous intéresse. On montre une petite équipe de la guerre des claps. Voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi tous les quatre nous retrouver en physique à la librairie au Gré des Bulles, à Reims, au 44 rue du Jard. Et moi, sur Twitch, à Gamer Bizarre Adventure, pour du jeu vidéo. Il est temps de se dire au revoir. On se retrouve, pour ceux qui veulent, dans 15 jours pour notre émission Manga Comics Casse sur Table, le véritable premier numéro, et dans un mois pour notre prochain numéro de La Guerre des Claps consacré à Stephen King. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. À mettre un pouce bleu. Et à partager. Et à regarder la vidéo en entier, c'est important. Maintenant. C'est important. En même temps, si tu es arrivé là... C'est pas faux. Tu le dis à la fin. Bon, tu cut. Allez. À dans 15 jours. Ciao. Bye.